En pleine grève des cheminots, l'État veut-il privatiser totalement la SNCF? Quels sont les véritables enjeux pour les cheminots et pour les passagers? Quel est l'avenir du train en France? Demain, connaîtrons-nous encore le service public de nos parents? Ce soir, on prend le train en marche avec Anthony Cardillo et Jimmy Dalidou dans Libéré sur Parole. Bonsoir à tous, bienvenue sur Libéré sur Parole, sur patriote.info. Pour tous ceux qui nous suivent, ça se passe sur YouTube ou alors directement sur le site. Bienvenue à vous, ce soir on prend le train en marche et on va parler train, service public, SNCF avec Anthony Cardillo et Jimmy Dalidou. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc vous êtes cheminots. Alors je suis désolé, il y a un micro pour deux, on va partager. Hein. Vous savez, ça nous rappellera les bons temps du début de Meta TV. Vous êtes cheminot, alors spécialisé, toi tu travailles plus sur les voies, Jimmy, toi tu étais sur les voies et tu es sur les trains maintenant, conducteur de train, c'est ouais, ça ? Ouais, tout à fait, bon, en ce qui me concerne, je suis conducteur de train MET, enfin à l'AFRA, chez SNCF Réseau, et on transporte donc du matériel, et ils sont utilisés notamment pour les planches travaux, etc. Donc ça fait une dizaine d'années que je suis dans la boîte. D'accord, et toi Anthony ? Alors moi je suis agent voie, donc je fais tout ce qui est entretien de la voie, donc remplacement drive, donc on travaille avec les trains, donc on travaille... Vous travaillez ensemble, d'accord, complètement. Comme ça. Donc moi je fais tout ce qui est entretien rail, remplacement de traverse, les ballasts, tout ça. D'accord. Donc moi, voilà. Alors pour rappeler un peu à nos auditeurs... Alors, je sais pas comment vous appelez, les patrinotes, on m'a suggéré. voilà, ça va changer. Juste une petite précision, je voudrais remercier TEPA qui nous invite et qui nous donne la parole, parce qu'effectivement, en ce moment, les cheminots, on prend plein la gueule, et c'est bien d'avoir un endroit où on peut dire un peu ce qu'on a envie de dire, sans que ce soit coupé, redécoupé et modifié comme un petit peu le level. Et bah surtout que vous avez plein de choses à nous expliquer, parce que, comme je disais en intro, on est en pleine grève des cheminots, ça fait beaucoup parler. Il y a clairement, disons-le, une campagne du gouvernement pour faire avaler cette pilule de cette privatisation en nous proposant un angle de dire que vous êtes des privilégiés, vous êtes des profiteurs, entre guillemets, qu'il est temps de casser ces monopoles. Qu'est-ce qu'on peut dire clairement déjà de cette privatisation? Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la configuration? Qu'est-ce qui est en train de se passer concrètement à la SNCF en ce moment? Alors, ce qu'il faut, on va essayer de repartir de quelques oui. Un peu en arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que la SNCF a subi une restructuration en interne depuis pas mal de temps. Avant même que les différents médias, BFM, etc., les mass médias qui ont mis à mentir, médiatisent le sujet des cheminots. La SNCF avait subi des modifications dans le sens où il fut une époque où la SNCF était un monopole, c'est-à-dire où vous aviez une entreprise nationale, une entreprise des chemins de fer, et avec une entité RFF qui restait propriétaire du réseau, on va dire, mais une SNCF, entreprise nationale. Ensuite, vous avez eu une modification en interne avec division de la SNCF. Alors, est-ce qu'on m'entend bien avec le micro, là ? Normalement, oui. Division en interne de la SNCF en trois entités. Vous avez donc une entité qui est l'EPIC de tête, c'est-à-dire l'entité de tête qui est un petit peu la Big Boss. Vous avez une autre entité qui est SNCF Réseau. et une troisième entité qui est SNCF Mobilité. Donc, la division chez le cheminot et dans le cadre de la SNCF a commencé bien en amont. Oui. Quelque chose, peut-être ? Oui, parce que toi, Anthony, tu m'expliquais, donc voilà, exactement, voilà, c'est trois. C'est quoi aussi RFF, qu'on comprenne ? Parce qu'apparemment, ça a joué un rôle important. C'est le début, on va dire, c'est le péché originel, un peu. RFF est arrivé après Juppé, après les grèves de 95. RFF, oui, les fameuses grèves. Voilà. Ah bah, entre on s'en rappelle. Et... on s'en rappelle. Encore des grèves. Qu'on s'en rappelle. Donc, il a été créé entre 96, autour de 96-97. Et en fait, il a été pour cacher la dette qui était existante, qui commençait à naître. Si tu veux, RFF a été créé déjà pour préparer déjà, parce qu'on était déjà dans l'Europe. Donc, il fallait déjà commencer à préparer justement la directive européenne qui est de préparer à l'ouverture à la concurrence. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. RFF a été créé surtout pour l'ouverture à la concurrence et pour pallier à la dette, pour pas que l'État soit en crise économique au niveau des SNCF. Ils ont créé RFF pour cacher la dette et qu'elle soit basculée sur un autre, en fait, sur une autre entité pour pas que SNCF prenne toute la dette sur elle. D'accord, parce que RFF, ça fonctionnait en gros, ce que j'ai compris, il y a une entreprise qui était propriétaire des voies RFF et la SNCF qui louait les voies à RFF. C'est ça, comment ça c'est ça, sauf que c'est en fait SNCF qui payait à RFF l'utilisation du réseau, mais c'est SNCF qui entretenait le réseau. Ça, c'est le genre de choses qu'on a du mal à comprendre un petit peu. Ça, ouais, alors, ouais, comme le disait très justement Anthony, RFF qui restait propriétaire du réseau, effectivement, et en fait, SNCF était prestataire de service. Et en tant que prestataire de service, il avait un rôle. En fait, en gros, l'État donnait du fric à RFF et lui disait, bon, bah vas-y, tu dois rénover des voies, tu dois faire des renouvellements de gares, etc., etc. Et RFF faisait appel à son prestataire de service pour effectuer les différents travaux, faire rouler des trains, renouveler des voies, etc., et qui était donc SNCF. Donc l'État qui donnait du fric à RFF et RFF qui redonnait une partie du fric à SNCF pour pouvoir effectuer les différentes tâches. D'accord, en fait, on a fait une espèce de montage financier, c'est ça. Alors je vais juste revenir sur une petite particularité, parce que ce qu'il faut savoir, quand il y a eu création des trois entités, donc mobilité, réseau et épique de tête, RFF a été absorbé dans l'entité SNCF réseau. Et l'État a fait en sorte que RFF soit absorbé avec sa dette. Donc ça veut dire que la dette de RFF a été transmise à SNCF. Tout à fait. Mais elle a été transmise Là, en fait, dans l'EPIC où on est, c'est-à-dire réseau, tout ce qui est entretien. C'est-à-dire comme c'est un réseau qui est réseau, en fait, c'est déficitaire parce que nous, vu qu'ils ont séparé tous les services. Oui, mais vous, ça ne rapporte pas d'argent. Vous ça ne rapporte bénévole, pas d'argent. En fait. On est juste là pour la sécurité. Ouais, vous êtes là pour dépenser, limite. De toute façon, on est là pour dépenser. Nous, on est juste là pour la sécurité des gens, des usagers. Donc, comme on fait leur sécurité, automatiquement, on coûte cher. Surtout que, bon, on va être honnête, tout ce qui est rail, utiliser des trains, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Donc, l'entretien coûte cher. Donc, automatiquement, nous, on est archi déficitaire, sachant qu'en plus, ils ont créé une maxi-dette pour des petits privilèges de TGV, où ils ont voulu mettre des lignes de TGV à gogo pour des députés qui... Parce que les lignes TGV sont votées en amont par des députés, par des conseils régionaux. D'accord, c'est pas les SNCF qui décident comme ça. Donc c'est politique. Ça veut dire, moi, je suis le maire de telle ville, j'ai beaucoup d'importance, je peux influer pour qu'il y ait un vote à l'Assemblée, qu'on fasse construire une ligne TGV. En gros, l'État... L'État crée des dettes qui étaient destinées à faire rouler des trains, effectivement, créer des LGV, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de la dette a été a été engendrée par la création des LGV. Mm-hmm. Parce que vous le savez bien qu'à un moment, l'État a mis le paquet sur les LGV, a laissé de côté les lignes de banlieue. Mmh. Les gars qui étaient dans les banlieues avaient des lignes qui étaient de plus en plus pourries. Et ils ont mis le paquet dans les TGV. Donc l'État, en faisant ça, dans cette logique, a créé de la dette. Et lorsqu'elle a donc créé SNCF Réseau, elle demande à RFF d'être absorbée dans SNCF Réseau avec la dette. Donc l'État crée une dette pour créer des LGV. Et ensuite, elle a remis la dette sur la SNCF que l'État avait elle-même créée. Voilà. Et donc maintenant, on sert cet argument pour dire qu'il faut privatiser parce que de toute façon, c'est l'entreprise endettée. C'est un serpent qui se mord la queue, quoi. C'est... En plus, c'est un peu fou parce que si tu veux, l'investissement qui est fait, c'est justement, c'est un, on va dire, un investissement à long terme puisque c'est vrai que le TGV, c'est ce qu'il y a de plus rentable à la SNCF. Ouais. Mais maintenant qu'ils ont créé toutes les lignes, qu'elles sont neuves, ils vont faire comme les autoroutes quand ils les ont refait à neuf. Ils vont vendre tout ça au privé. Enfin, ils vont vendre tout ça avec la privatisation au fur et à mesure. Donc, encore une fois, ceux qui auront les tronçons de voie TGV neufs, bah, eux, ils seront tranquilles. Ils auront des voies neuves, sans entretien, sans rien acheter. Et puis, ils vont récolter tous les bénéfices. Donc, en fait, avec nos impôts, on a payé des voies neuves pour que ça vienne à Vinci, à etc. Tous des actionnaires. Voilà. Parce qu'en gros, donc, pour comprendre le projet là, du gouvernement qui s'appuie sur ce qu'on appelait le rapport Spinetta. Alors, on rappelle que Spinetta, c'était le directeur d'Air France qui a eu des petits problèmes. celui qui a niqué Air France. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, ce fameux Spinetta, donc, c'est lui qui préconise de créer une société anonyme, c'est ça, pour que la SNCF bascule, en fait, dans un statut complètement privé. Et parce que pour le moment, la SNCF, c'est quoi? C'est un espèce de statut semi-public-privé? Ouais, c'est pour l'instant, la SNCF est une entreprise publique, ce qui fait que l'État reste l'actionnaire majoritaire. D'accord. Et l'actionnaire à 100%. Donc, je crois que c'est un des points du rapport Spinetta qui dit, effectivement, alors le premier point, c'est la question de la dette. Le deuxième point, c'est la question de la société anonyme, qui va permettre à la SNCF de lui injecter, pourrait-on dire, des capitaux publics. Ce qui fait que, qui dit capitaux publics, ça veut dire que ceux qui nous regardent, ça veut dire qu'ils vont payer. Déjà, c'est eux qui vont payer. Et de plus, ouverture du capital aux différents monopoles. Je crois que ce sujet-là, il faut qu'on y revienne, qu'on y arrive. C'est au sujet des monopoles, c'est-à-dire des multinationales qui ont besoin de bouffer les chemins de fer pour augmenter leur taux de profit, et ça va leur ouvrir les portes à ce niveau-là. Parce qu'en fait, en privatisant, donc, ça permet à des grosses sociétés de pouvoir clairement s'enrichir sur un créneau qui était entre guillemets réservé à l'État pour le moment, où il y avait un monopole d'État en tout cas, on casse ce monopole d'État, mais tout le savoir-faire, etc., ça reste quand même la SNCF, donc on a besoin de vous quand même pour pouvoir faire ça. En fait, en gros, c'est un mariage de force, un peu. Le marié demande trop à la mariée, c'est ça. Après, comme on en avait parlé un peu en amont, donc déjà, ce qui se passe, c'est que toutes les entreprises privées qui travaillent avec nous, parce que nous, dans le réseau, donc on a énormément de sous-traitance. Ça, c'est... Voilà. Alors, explique-nous un peu ce principe-là. Alors, nous, on a de la sous-traitance, c'est-à-dire que nous, sur les voies, c'est encore SNCF qui est responsable de ce qui se passe au niveau sécurité et au moment de... Parce que nous, on prend des planches travaux, c'est-à-dire que quand on travaille, les trains ne peuvent pas circuler, vu qu'on enlève les rails, tout ça, donc on intercepte la voie, et quand la voie est interceptée, nous, on travaille. Sauf que maintenant, avec la privatisation, les employés SNCF font énormément d'encadrement d'entreprises privées qui viennent, et pour... ça marche. Et pour souvent, ce qui se passe, c'est que, en fait, ces entreprises privées, soit elles travaillent, en fait, pour SNCF. Donc, en fait, elles sont des filiales. Donc, eux, ils disent, sont des filiales SNCF. C'est-à-dire que nous, on a une entreprise qui nous fait de l'annonce parce qu'il nous arrive de travailler sans voie interceptée. C'est-à-dire que les trains roulent et nous, on travaille sur la voie. Donc, on évite de faire des travaux dangereux. Il faut que le train puisse rouler. Pour ça, on a ce qui s'appelle une chaîne d'annonce. C'est des gens qui vont... On a des gros klaxons, on va dire ça comme ça, qui klaxonnent. Et nous, ça nous permet de sortir de la voie et de laisser le train passer. Pour ça, on a une entreprise maintenant qui est une filiale SNCF, financée par SNCF, qui est formée par SNCF, mais qui sont payés moins cher et qui ne sont pas au même statut que nous. Ouais, forcément, ouais, d'accord. Mais en fait, c'est tout bénéfice. C'est-à-dire, en fait, en gros, ils font le même métier, ils sont payés beaucoup moins cher. J'imagine aussi qu'ils sont moins formés, parce qu'il y a une culture. On sait très bien que les entreprises comme la SNCF, c'est grandes entreprises, il y a une culture d'entreprise très forte. Donc ça veut dire que ces gens-là, c'est quoi? C'est des intérimaires? Ils ont quel statut particulièrement? Ah ouais, je crois que c'est un sujet important, effectivement, parce que il y a deux entreprises privées qui s'articulent au chemin de fer. Il y a la filiale qui est la filiale de SNCF. Donc filiales créées et engendrées par SNCF, et vous avez les filiales qui sont engendrées par les monopoles. Par exemple, les monopoles, donc les multinationales, comme Vinci, Bouygues, etc., les big boss du CAC 40, en gros. Ils ont aussi leur filiale qu'ils envoient travailler. Donc, pour revenir à ce que tu disais, la TEPA, je crois que c'est un sujet important. Parlons d'exploitation, hein, je crois que c'est le bon terme. C'est-à-dire que les ouvriers qui travaillent pour ces filiales et donc pour ces multinationales, pour ces monopoles comme Bouygues, Vinci, etc., sont un personnel qui, je dis bien malheureusement, parce qu'on s'en prend souvent au personnel, mais ce n'est pas le personnel lui-même. Yeah, c'est un ouvrier, il bosse, il fait ce qu'on lui dit, quoi, en fait. Mais ils n'ont pas de formation, souvent pas de formation. Ils sont en intérim, ils ont des contrats instables et ils ont des situations malheureusement précaires et ils reçoivent des ordres d'une hiérarchie qui est malheureusement relativement incompétente, ouais, et puis en plus violente, et puis ils se prennent un petit peu pour le roi du monde. Hein. C'est des chefs, comme beaucoup de chefs dans un pays impérialiste. Et donc ça c'est un problème. Pourquoi? Parce que comme il le disait très bien, vous avez des travaux. Par exemple, admettons qu'on fasse un renouvellement de voie. Vous renouvelez la voie. Vous avez une entreprise qui intervient. Elle va renouveler les voies, mais elle sera encadrée par des cheminots. C'est-à-dire que vous avez des gars de l'entreprise privée qui va venir renouveler une voie, hein, étant en intérim, travaillant comme il le peut. Et qui va s'occuper de tout ce qui est technique métier, hein. Et vous avez un cheminot qui sera là qui va s'occuper de l'encadrement, qui en réalité est là pour assumer les aspects juridiques. C'est-à-dire que si l'entreprise, c'est ça, ouais. Il est là le truc, parce que si l'ouvrier, le pauvre ouvrier qui reçoit des directives à deux balles et qu'il faut qu'il aille vite en plus, il faut qu'il aille. Vous savez très bien que pour créer du profit, il faut aller vite. Temps de travail socialement nécessaire est réalisé. Donc le gars, il n'a pas le temps, il faut aller vite, et il fait des bêtises, malheureusement. Et si ça se passe mal, c'est cheminot qui va prendre. Ouais. Puisque du coup... Là, D'accord, ah, c'est ça, oui. C'est que, donc, ouais. On fait venir entreprise privée, vous êtes là pour encadrer, pour dire, bon, bah, en gros, surveiller, puis surtout assumer juridiquement une responsabilité, en gros, si ça se passe voilà. mal. Voilà, alors il faut savoir un truc, c'est qu'à la SNCF, tout marche par habilitation. C'est-à-dire que maintenant... Pour déboulonner une vis, nous, on a vu une formation où on nous a dit que voilà, fallait visser tant de puissance, tant de voilà, tout est millimétré. Justement, nous, on a des formations qui sont énormément poussées, et c'est pour ça que nous, on est responsable de ce qui se passe sur le chantier. Sauf que quand tu gères une entreprise privée, tu encadres une entreprise privée. Tu as, 10 personnes. Pour voir les 10 personnes ce qu'elles sont en train de faire. C'est énormément compliqué, sauf que la responsabilité reviendra quand même au cheminot, parce que c'est lui qui est censé savoir ce qui se passe et être responsable de ce qui s'y passe. Et donc, je veux dire, on en devient à des trucs où quand il y a des intérims qui sont... Ben, on est en train de courir partout, et nous, je pense que tu as déjà eu le cas. Des fois, c'est vrai que, comme il disait, avec les chefs qui leur mettent, eux, la pression, ils essayent d'aller vite. Nous, des fois, on empêche des situations... justement de dégénérer, ou des situations aussi propices à l'accident, parce que quand il y a un train qui roule à côté et qu'on fait des travaux à côté, sur les gros chantiers comme ça, il y a les trains qui font des marches arrière, des marches avant, je veux dire, il y a des pelles, des grosses pelles qui roulent sur la route et sur le rail, qui roulent à côté, donc il y a des situations qui sont propices au danger, qui sont propices à, quand on est inconscient, qu'on travaille trop vite, qu'on n'a pas été formé, quand on est intérimaire, qu'on est balancé là et qu'on demande de travailler des trucs de je ne sais pas combien de kilos sur un kilomètre, bah c'est propice à l'accident. Et nous, on est là pour des fois mettre des limites. Mais quand les cheminots ne seront plus là, nous, c'est la situation qui nous fait peur aussi. Quoi. Parce que bon, à l'avenir, on risque de voir donc l'entreprise privée supplanter et dire on n'a même plus besoin des cheminots finalement. Ils vont assumer par eux-mêmes quoi, le travail, c'est ça ? Ce qu'il y avait eu à Bordeaux. Ouais, c'est ce qu'ils appellent l'autonomisation des entreprises. C'est un sujet. C'est encore la nouvelle langue, c'est parfait. L'autonomisation des entreprises, c'est-à-dire l'autonomisation des entreprises, ça veut dire que l'entreprise privée qui arrive avec son train, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des conducteurs de train SNCF cheminots, et vous avez aussi des conducteurs de train dans le privé. Et on en parlera ensuite. Ouais. Bah, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des entreprises totalement autonomes de A à Z, c'est-à-dire une entreprise comme les autres. Ils veulent une SNCF qui va. C'est la loi du marché en fait. Hein. Vous aurez des différents marchés. Genre, vous avez une gare à rénover à Paris. Vous avez un marché qui est présenté. Vous avez plusieurs entreprises qui vont se présenter. Dans ces entreprises, il y aura SNCF au même titre qu'une autre entreprise. Donc quoi, les trains allemands, par exemple, Bundesbahn, je sais pas quoi. Enfin, Après, elle gagne le marché ou pas, mais ça c'est une autre question. Mais c'est comme ça que ça se passe. En gros, par exemple, moi demain, je suis le maire d'une ville. Je sais pas, j'ai une ligne, Paris. Imaginons, je suis à Dijon, Paris-Dijon à construire. Je peux faire appel en fait à la SNCF comme à un autre prestataire. Je serais plus obligé de dire ah ben non, moi je veux la SNCF. Je sais pas le train italien, les Allemands ou peut-être même des Chinois demain. Ou bah, je sais pas si vous avez entendu le tête d'ampoule de pas de la République en Marche, mais des Républicains, Estrosi. Ouais. Qui avait dit, moi, je crois qu'il est chez PACA, il a dit, moi, les cheminots, j'en veux plus. Donc, les collectivités territoriales diront, comme il a dit, moi, les cheminots SNCF, j'en ai marre, je vais mettre des trains privés. D'accord. Donc, ils ont le droit de le faire, effectivement. Oui, le fameux partenariat public-privé dont tu m'avais évoqué qu'à Nice, c'était un des... C'était pour son stade de Nice qu'il a fait appel à ça, et c'est ce qu'ils ont fait pour la ligne Bordeaux-Paris. Il y a une tranche qui a été totalement privatisée. Voilà. Alors, ça implique que, apparemment, vous allez me confirmer, parce que j'ai vu un reportage là-dessus, j'étais halluciné, où il expliquait que sur chaque train, il y avait des royalties qui étaient versées par la SNCF à justement le consortium qui a financé une partie des travaux. C'est-à-dire qu'en fait, la SNCF ne peut même plus financer en fait, les lignes elles-mêmes. C'est un consortium privé qui a financé. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui a, elle, payé les travaux. C'est-à-dire pour éviter à l'État de faire, elle, un crédit, l'entreprise privée fait elle-même un crédit auprès de ces entités où elle met son capital en avant. De toute façon, l'argent, eux, ils la trouvent, donc il n'y a pas de souci. Donc, eux trouvent l'argent d'eux-mêmes et eux gèrent les travaux de A à Z. C'est-à-dire que zéro cheminot sur le chantier, zéro SNCF. C'est-à-dire géré totalement par le privé. Sauf que comme c'est eux qui, de leur poche, payent la voie, ils profitent des bénéfices de la voie pendant les, je sais plus, c'est 20 ans, donc c'est des, concessions énormes. Donc comme c'est eux qui ont créé la voie, il y a une concession qui est faite, mais tous les ans, l'État paye quand même une royalties en plus des bénéfices qu'ils engendrent avec la voie pour l'argent qu'ils ont mis. C'est la même chose pour ce qu'il y a eu pour le stade de Nice avec. Ils dépouillent deux fois. C'est un double dépouillage, quoi. Alors, quelles conséquences, clairement, parce que. On a compris que cette politique de privatisation, elle allait mener, ce qu'on n'arrête pas d'ailleurs de nous ressasser à longueur de temps dans les journaux, en nous parlant de lignes rentables et de lignes non rentables. Pour le moment, vous confirmez que la SNCF est bien un service public, c'est-à-dire qu'on ne se base pas sur la rentabilité des lignes, mais plutôt sur l'accès qu'on doit faire au territoire, tout simplement. C'est-à-dire, parce que dans ce plan-là, quand on nous parle, qu'on commence à parler rentabilité dans les lignes, on voit bien les premiers qui vont sauter, ça va être les petites campagnes, clairement. Non, de toute façon, il y a un moment quand on parle de rentabilité, il y a un moment où il faut faire des investissements et faut fermer des endroits qui nous coûtent plus assez cher. Alors, pour l'instant, les prix sont pareils partout au kilomètre. SNCF, pour l'instant. Mais il y a quand même eu des fortes augmentations des prix des billets dernièrement. Alors nous, c'est vrai qu'on ne sait pas trop pourquoi. Moi, je ne pourrais même pas forcément expliquer. Après, pour moi, c'est commencer à démanteler le service public, c'est-à-dire montrer qu'il y a des retards de train, parce que, comme il l'a très bien signifié, comme ils ont investi énormément sur la ligne TGV, ils ne pouvaient pas investir sur les petites lignes en même temps pour l'investissement, l'entretien. Ils ont laissé un peu... Et maintenant, ils se rendent compte qu'il y a plein de problèmes, comme il y a eu à Montparnasse. Mais même en PACA, parce que j'ai vu que PACA était une des régions où le réseau ferroviaire avait beaucoup de problèmes. C'est là qu'il y a un grand nombre de retrains considérablement en retard. Apparemment, en PACA, ils ont des problèmes. Alors, je ne sais pas, c'est dû à quoi, justement. Retour sur juste un point sur le fait que, au niveau des, comme tu disais, les petites lignes, la fermeture des petites lignes, etc., etc. Bon, effectivement, il y a les différentes fluctuations de marché, etc. Mais. Lorsque le Premier ministre fait la déclaration concernant la fermeture des lignes et qu'il dit qu'il ne veut pas les fermer, il n'a pas dit qu'il ne voulait pas les fermer. C'est bien plus nuancé que ça. Il dit qu'il donne ça à la responsabilité des collectivités territoriales. Donc, ça veut dire que lui, il dit... Moi, le Premier ministre. En fait, il donne le sale boulot à d'autres, c'est ça. Par contre, toi, tu prendras tes responsabilités, tu feras ce que tu veux. Comme on dit, la patate chaude, il la lance aux collectivités. C'est-à-dire, le gouvernement ne va pas trancher, mais en fait, c'est la région qui va prendre la décision. Mais qu'est-ce qui va motiver la décision de la région? C'est vraiment des raisons économiques, parce que, en fait, c'est elle qui va payer. C'est ça avec le principe des STIF, c'est ça, des syndicats de transport. Bah là, là, c'est... Alors là, pour l'instant, c'est même déjà un petit peu actuellement. Il faut savoir qu'il y a des financements par les régions. Ouais. Y a déjà la région, mais déjà, moi, par exemple, je suis de la région Lorraine. Mmh. La Lorraine met de l'argent dans ses TER, c'est-à-dire qu'elle aide l'État à investir dans le chemin de fer. C'est pour ça qu'on voit les logos des régions sur les... Voilà. D'accord. C'est exactement pour ça, c'est parce qu'eux, ils aident à financer. Et justement, quand ils avaient tellement investi sur les TGV qu'à un moment, il fallait qu'ils trouvent une ressource aussi d'argent. Donc, tous les impôts régionaux, ce qui est reversé aux régions, les régions ont aidé la SNCF en payant un peu l'entretien. Par exemple, des lignes rentables comme la mienne, que je te disais, la ligne Luxembourg-Nancy, qui est très rentable. Comme il y a énormément de gens qui y allaient, à un moment, ils ont dû investir aussi dedans parce que les gens râlent, parce qu'ils connaissent des gens, parce que ça nous rapporte de l'argent aussi. Donc après, oui, les régions investissent. Alors après, maintenant, ce qu'ils veulent faire, ce seront les régions qui seront responsables de... Donc pas des lignes TGV. Attention, ils seront responsables des lignes régionales. Donc, c'est tous les tronçons de ville à ville. De ville à ville. En TER ou en peut-être RER en région parisienne. Mais tout ce qui est ligne TGV, ce sera totalement, pour moi, ce sera totalement privé parce qu'il n'y a aucune région qui est responsable de... On ne peut pas aller de Paris jusqu'à Metz, jusqu'à Strasbourg, jusqu'à, parce que ça traverse jusqu'à Bordeaux. Plusieurs régions, voilà. par définition. Donc, il n'y aura pas de région pour submerger une autre. D'accord. Mais ce qui veut dire que ça va créer une forte inégalité sur le territoire parce que si ce sont les régions qui investissent, toutes les régions n'auront pas le même budget. En plus, l'appréciation, elle sera aux mains de la politique même de la région. C'est-à-dire que là, cette ligne-là, on la supprime. Ça sera complètement politique. Il n'y aura même plus de logique dedans, de logique service public, en tout cas. Je crois que, de toute façon, la logique qui va se passer dans la région, c'est que ce sera la logique de réduction des coûts. C'est-à-dire que les différentes régions iront vers un transport de moindre coût. Et concrètement, comment ça va se passer pour les gens, c'est que dans certaines régions, si c'est pas jugé rentable, ils vont arrêter les trains, ils vont mettre des bus. C'est ça qui va se concrètement, qu'est-ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des bus, je vais y arriver, des bus dans les régions parce que ça coûte moins cher. De plus, vous allez avoir une perte de fiabilité, perte de sécurité, parce que du coup la sécurité dans le train, on a beau dire les cheminots, même si c'était pénible de temps en temps, il y avait des trains qui sautaient, il y avait des retards, mais c'était rare les trains qui déraillent et qui engendrent des catastrophes. Bretigny par exemple, c'est peut-être un sujet un peu tabou, on va dire un peu chaud, mais ce qu'ils savent pas, c'est que ce qu'ils ont pas dit, c'est que ce qui reste à éclaircir, qui est-ce qui a serré les clisses. Est-ce que c'est un cheminot ou est-ce que c'est une entreprise privée qui a été serrée l'éclisse ? C'est quoi l'éclisse, en fait, lors de Bretigny. T'es agent de la voie ? Moi, je suis agent de la voie. Alors, explique-nous un peu. C'est mon cœur de métier. Alors là. Et donc, l'éclisse, c'est ce qui permet de tenir. Si vous voulez, c'est comme Apple ou des Lego. Si vous voulez, quand vous avez deux pièces qui sont collées ensemble, il y a donc des trous dans le rail. Et pour les faire tenir, ils utilisent, en fait, pour les attacher ensemble, ils mettent ce qu'ils appellent une éclisse. Et l'éclisse, en fait, c'est fait aussi, parce qu'il faut savoir que le rail, justement, c'est compliqué. Quand il fait chaud, le rail se dilate et il se rétracte l'hiver. Donc, il faut aussi laisser ce qu'on appelle des joints pour que ça bouge, qu'ils puissent dilater. Donc, ils mettent des éclisses pour tenir et laisser, en fait, tout ce qui est joint. Et donc, le problème qu'il y a eu, donc, c'est ce qui nous arrive à nous des fois. Moi, j'encadre parce que moi, je ne fais pas que des gros travaux. Contrairement à Jimmy, moi je fais de l'entretien de voie au quotidien. Et donc en fait, nous, ce qui nous arrive, c'est qu'on est souvent avec ce que je t'avais expliqué, nous, ils ont un budget pour l'entreprise privée. C'est-à-dire que nous, ils arrivent, l'entreprise de Vinci, s'appelle ETF. Eux, ils ont un budget, on doit leur donner tant de marché, donc vous leur donnez des petites conneries à faire pour pas qu'il y ait de problème. Sauf que l'entreprise privée, eux, ils ne savent pas comment serrer une éclisse. Donc si le cheminot, il ne fait pas attention, il doit faire attention à la sécurité en même temps. Donc, on en revient à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On ne sait pas encore si l'éclisse, donc la fameuse éclisse qui sert à tenir les rails, a été fixée par une entreprise privée ou par un cheminot. Et le problème, c'est que l'éclisse, si tu veux, elle tient ou sur 4 boulons ou sur 6. Mais il faut au moins les deux centraux. Et généralement, sur les grosses éclisses de 6, il faut 2 boulons centraux et 2 boulons extérieurs. Et là, il est possible, donc, dans l'affaire de Brétigny, il y a eu une erreur, en fait, dans le... C'est possible, ça peut En tout cas, ça, c'est sûr et certain qu'il y a eu une erreur humaine. Je pense que tu me contredis tout à fait. Là-dessus, ça, c'est sûr, parce qu'apparemment, il manquait quand même des boulons, il y avait des boulons dévissés. Donc, après, même au sein de la SNCF, nous, on a toujours des... tu vois, quand il y a des accidents, ils s'appellent... tu sais, ils nous font des remontées pour plus qu'on se trompe. Sur Brétigny, on a eu des échos, mais ni plus ni moins, quoi. Mais bon, après, ouais, je suis pas assez calé sur Brétigny, sur tout ce qu'il y a eu. Ouais. Peut-être toi... Juste, revenir sur le on est dans le cas concret, mais c'est vrai que sur le cas général, là où se situe le danger, c'est que une entreprise privée, en fait, on a une contradiction. On a une contradiction entre deux aspects. Premier aspect de la contradiction, c'est la politique du service public que mène Neshpino, qui n'est pas soumis à la politique de rendement. Et le deuxième aspect de la contradiction, c'est la politique du profit que mènent les monopoles et multinationales. Mmh. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, une éclisse. Lorsque le cheminot sert une éclisse, il n'est pas, cette éclisse n'est pas une marchandise. C'est pas une marchandise. Cette éclisse, lui, il a une mission de service public. C'est-à-dire qu'il va intervenir sur l'éclisse, il va faire ce qu'il y a à faire pour assurer la sécurité des circulations, etc. Il n'est pas soumis par le temps de travail. Et ça, la notion de temps de travail, de rendement, c'est important. Parce que pour une entreprise privée, pour les monopoles, d'ailleurs, ça, Karl Marx en avait parlé, hein, ce qui est réalisateur du profit, c'est la force de travail exploitée. Et cette force de travail qui est exploitée doit aller, doit travailler vite. Elle doit travailler toujours plus vite. C'est ce qu'on appelle le temps de travail socialement nécessaire à réaliser. Donc, quand l'ouvrier qui est intérimaire, qui est en galère et qui intervient exploité, qui intervient sur une éclisse, pour lui, il n'est pas dans cette perspective de service public, dans cette perspective de qualité de service public. Il est malheureusement soumis à cette loi objective économique propre au monopole du capital qui consiste à aller vite pour créer une marchandise. Donc, en gros, la marchandise, l'éclisse, pardon, devient une marchandise pour la multinationale, alors qu'elle n'est pas une marchandise pour nous. C'est juste un rouage, un des nombreux rouages permettant d'assurer un service public. Et surtout d'assurer une sécurité. Alors, c'est vrai que l'entreprise privée, par exemple, va peut-être négliger. Alors, moi, c'est ça qui nous fait peur un peu, c'est sur l'aspect sécurité, entretien au quotidien, ce que je fais moi. C'est vrai, ce qui nous fait peur, c'est qu'est-ce qui va se passer ? C'est, on va mettre une entreprise privée, mais eux, il va falloir être plus rentable que nous. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas toujours les plus rentables. Je veux dire, on va être honnête, on n'est pas toujours les plus rentables. Mais moi, par exemple, si je dois perdre une demi-heure pour aller remplacer une éclisse ou changer une éclisse, on va aller le faire parce qu'il n'y a pas cette notion de rentabilité. On a la notion de service public et de sécurité prioritaire. Donc, c'est-à-dire que, bah, tant pis, on décale un autre chantier qu'on est en train de faire. On finit bien celui qu'on est en train de faire. Voilà. Mais on va surtout aller faire ce qu'il y a de plus urgent. Et c'est-à-dire que s'il y a deux urgences, nous, on travaille sur 20 km de voie. Donc, s'il y a deux urgences, une, je sais pas, au point kilomètre 5 et l'autre au point kilomètre 15, il y a 10 km d'écart. Le temps de faire la route, on perd énormément de temps. Mais le principe, c'est déjà d'assurer la sécurité que les urgences soient faites, et tant pis si on a perdu du temps pour aller du point A au point B. Ce qui est différent avec l'entreprise privée, ils vont dire, ben, on fera ça demain, parce que là, aujourd'hui, il faut qu'on fasse ça, comme ça on gagne de l'argent, on est là, et demain on ira là-haut, comme ça on travaille d'un coup là-haut. Et eux, en fait, c'est ça, c'est, comme ils disent, c'est cette notion de rentabilité et pas de sécurité qui est prioritaire. La différence avec la culture, justement, cheminot, où on va préférer des fois perdre du temps. Ou... En fait, L'État est en train ce gouvernement Macron là, il est en train d'organiser, enfin comme tous les autres, ils ont tous organisé une marchandisation du service longtemps, public. Et là justement, j'en viens à ce que beaucoup, l'UPR, il le dénonce depuis longtemps, qui est la pression de l'Union européenne et des directives européennes pour, on va dire, aller au forceps sur cette privatisation, puisque ça c'est une question d'ailleurs. Est-ce que les cheminots en ont conscience de ça ? Parce que, justement, cette privatisation entamée, on sait, sous divers gouvernements, mais pour ceux qui vont pousser le concept, on voit très bien que ça s'est demandé par l'Union européenne, donc il y a presque des instances plus fortes qui font pression sur la France pour qu'on arrive à cette situation. Et j'ai le sentiment que, dans les milieux cheminots, alors je vous pose la question, et aussi... dans les milieux syndicaux. C'est-à-dire que quand j'entends des représentants syndicaux qui viennent parler souvent des grèves, je les entends très peu sur cette ligne, finalement, d'expliquer l'origine de cette pression européenne. On met tout un peu, c'est vrai, sur le gouvernement français, mais bon, on voit bien que les gouvernements changent et la politique reste la même. Ça, c'est... Donc il y a bien une des politiques données plus haut. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Est-ce qu'ils en ont conscience, dans les milieux cheminots, de ça, vraiment? Effectivement, en fait, il y a deux choses dans ce que tu as dit, effectivement. Il y a les directives européennes. Mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait, je crois que c'était dans les années, ça je l'ai noté, c'est en 1986. Programmation du marché unique en 1986. Programmation, donc, affirmant la volonté de dérégulation des transports et notamment des chemins de fer. Ça, c'était en 86, dans le cadre de leur marché unique européen. Dans le cadre du marché unique, déjà, déjà à l'époque. Ouais. Ensuite, ça a amorcé le processus qui allait dérouler en 1991. Vous allez avoir la directive 91/440 relative au développement des chemins de fer communautaires et qui va donc amorcer les différents paquets ferroviaires. Où on va avoir quatre paquets ferroviaires, hein, de 2001 à 2016. C'est-à-dire, c'est des changements profonds. C'est quoi les paquets ferroviaires? En fait, les paquets. Alors, deux choses. Directive européenne qui part de 86, marché unique, etc. Ouais. 91, directive qui va consolider la dérégulation des chemins de fer. Ensuite, 95 tentatives de Juppé, quand même, de mettre en application la directive européenne qui va foirer. C'est ça qui va déclencher, parce que c'est les réformes des retraites qui déclenchera les grandes grèves de 95, les fameuses grandes grèves. C'est les deux. C'est les deux, parce qu'en fait, comme il monte là, enfin, lui, il a pris des notes, donc les différents packs ferroviaires qui sont donc 95-2001, c'est 2004-2007, il y a même 2014, avec la loi Sarkozy sur la retraite, les régimes spéciaux, mais là, on va dire que ce n'était pas spécifique à la SNCF, et 2016, avec donc les différents, la reprise de RFF. 2016, c'est la reprise de RFF avec la division, en donc comme on a expliqué au tout début, avec les différents EPIC. Donc les différents packs ferroviaires, en fait, c'est organisé pour moi bien en amont, donc au niveau européen. Alors moi, pour répondre à ta première question, déjà, je pense que les cheminots n'en ont pas conscience. Moi, je pense que les cheminots n'ont pas forcément conscience. Pour eux, ça vient de la France. Ils savent qu'il y a un petit côté Europe, mais je pense qu'ils ne se doutent pas de la pression, je pense, européenne, des directives et de ceux que ça arrange au-dessus. Parce qu'au final, c'est quoi? C'est les multinationales européennes qui négocient déjà un petit peu. Et dans les différents packs ferroviaires, 95, ils ont tenté. Alors, ce qu'il y a eu en 95, c'est surtout, effectivement, parce qu'ils ont voulu toucher à la retraite. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une évolution dans tous les packs ferroviaires, chaque fois qu'il y a une évolution, ils se font aussi bloquer les packs ferroviaires à cause du code du travail. Et la différence qu'il y a eu avec 2016 et le dernier pack du travail, c'est qu'on a eu le code du travail qui a été touché et ils ont pu après entamer les négociations de branche, les fameuses négociations de branche par métier. Et ça nous a piégé aussi justement sur le ferroviaire. D'accord. Mais la fameuse loi travail. Voilà. Quoi, au final. Mais au final, ça a été à chaque fois, ils nous ont... Les gens ne se rendent pas compte, je pense, mais là, on ne se bat plus, nous. C'est-à-dire, quand on fait grève, on ne se bat plus pour gagner quelque chose, on se bat pour essayer de garder quelque chose. Ce qui est différent des époques où, à 95, il y a eu du monde. C'est vrai qu'ils ont réussi un peu à négocier, mais les grèves qu'il y a eu après pour les différents packs ferroviaires, ou déjà RFF, ils s'étaient déjà opposés à RFF en 96-97, ils se sont déjà opposés. Les cheminots avaient déjà fait grève, ça n'avait pas été assez suivi, ils ont quand même fait passer. Et au final, voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec une dette qui a été créée, qui est rendue, et c'est les Français qui sont obligés de la subir. D'accord. Donc ouais, là, donc tu nous as fait l'historique. Je voulais revenir sur un truc sur les directives européennes, parce que effectivement, il y a les directives européennes, et je crois que la question qui est importante, c'est la question de la souveraineté nationale. Ouais, est-ce que la souveraineté, c'est pas sous forme affirmative que je dis ça, sous forme interrogative. Est-ce que la souveraineté nationale de la France est applicable? Est-ce qu'elle n'est pas applicable? Parce que si on reprend un petit peu ce qui se dit dans les différents textes européens, on a l'article 5, paragraphe 4 bis, et qui dit, alors je cite, hein, c'est un peu long, mais je pense que c'est intéressant. L'autorité compétente peut décider d'attribuer directement des contrats de service public relatifs à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer. Deux points. Premièrement, lorsqu'elle considère que l'attribution directe est justifié par les caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes et du réseau concerné. Ou alors, deuxièmement, et lorsqu'un tel contrat aurait pour effet d'améliorer la qualité des services ou le rapport coût-efficacité, ou les deux à la fois, par rapport au précédent contrat de service public attribué. Donc, je ne sais pas si vous avez compris la même chose, mais... Moi, j'ai compris quelque chose qui me paraît contradictoire, c'est-à-dire qu'on dit... normalement, un service public, c'est pas rentable, mais là, on dit, s'il y a un truc plus rentable, c'est mieux que le service public. Tout à fait. C'est ça que je comprends. Voilà. C'est-à-dire que si la France remplit ces deux conditions-là, elle peut rester dans un cadre public, dans un cadre d'un service public. C'est-à-dire que là, donc effectivement, la France est-elle face à un choix ? Est-ce que la France a fait le choix de ne pas assumer sa souveraineté nationale et aller dans le sens de cette directive européenne, ou est-ce qu'elle elle subit cette directive européenne ? En tout cas, la CGT, là-dessus, elle a été claire. Elle a clairement dit, la direction, dernièrement, Laurent Brun l'a dit dans une vidéo, la souveraineté nationale en France, sur ce point précisément, on n'est pas dans le cas général, est applicable de par ces différentes conditions. Donc, en réalité, apparemment, on serait face à un choix de la France de mettre en application la case du service public. En gros, c'est ça. Donc, de force, on est en train de privatiser, alors quand même, on ne serait pas obligé, c'est ça que je comprends à travers. On ne serait pas forcément, en fait, obligé de le faire. On pourrait prétexter, c'est la souveraineté nationale, on privatise pas, quoi. Pourquoi ? Parce que certaines conditions se remplissent, notamment les deux que je viens de citer. D'accord, c'est ça que je comprends. Après, j'invite les gens à aller vers l'article 5, paragraphe 4 bis, on peut le trouver en cherchant un peu. Et sachant aussi que je voudrais revenir sur un point aussi qui est la subordination de l'État français au monopole et l'aspect impérialiste de la France. Pour un Français, c'est très subjectif ce que je veux dire, mais je crois que la France, qui est un pays impérialiste, un des impérialismes les plus belliqueux du monde, est totalement subordonné au monopole, n'a pas pour perspective d'aller contre les directives européennes, ou même si elle le fait, de toute façon, elle ira dans le sens du profit. En gros, c'est ça. Oui, mais c'est le gouvernement... Là, tu viens de nous le dire, c'est le gouvernement français, mais les Français, au fond, sont plutôt attachés au service public. Tout à fait. Toutes les enquêtes d'opinion le démontrent, quand même. Tout à fait. Ce qui les dérange dans la grève, c'est clairement, quand on va travailler effectivement le matin, il n'y a pas de train, c'est quand même chiant, faut le dire. Mais ils peuvent comprendre que quand même ils sont attachés au service public. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, tu sais, un espèce de jeu qui est, on casse le truc, comme ça finalement la privatisation, les gens l'acceptent mieux aussi, parce qu'on se dit ça marche pas, il faut faire quelque chose. De toute façon, le but, c'est déjà via les médias, parce qu'on voit quand même que les médias sont quand même orientés plutôt au gouvernement. Là, on est un peu plus défendu que d'habitude. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment, je pense que les médias ne peuvent pas mentir éternellement non plus. Mais alors, ils cassent petit par petit. Alors, ce qu'ils ont fait par leur mauvais entretien des voix, et donc qui a amené tous les problèmes qu'il y a eu derrière, donc Montparnasse, et donc tous ces problèmes, au lieu de les assumer, ils disent, vous voyez, ça va pas. Vous voyez bien, les trains sont en retard, les trains marchent mal, que c'est dû à un mauvais entretien qui est dû par l'État, parce qu'ils ont voulu investir trop tout de suite dans le TGV. Donc, comme ils ont tout de suite tout investi dans le TGV et plus assez dans l'entretien au quotidien, ça a amené des problèmes récurrents, et donc d'où certains retards de train sur certaines lignes. Donc, tout ça, ça a amené des problèmes, sauf qu'au lieu de les assumer, c'est pour ça que nous, des fois, on a des suspicions. On se demande si c'est pas fait exprès, parce qu'après ils arrivent et ils disent, ouais, mais vous voyez, ça marche pas bien. Puis regardez la grève, ils sont chiants. Si on a du privé, ils feront pas grève. Ils feront pas grève, ouais. Mais peut-être que les gens se rendent pas compte qu'ils auront aussi moins de sécurité. Et moi, je pense que, après, le problème avec le modernisme aussi, c'est que ils ont pas gardé ce qui était bien à SNCF. Ils ont voulu moderniser, donc ils accélèrent pour être toujours plus rentable, en oubliant qu'on était quand même un service public. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont voulu aller plus vite que la musique, je pense, et ça a amené les problèmes qu'on trouve dans la modernité, comme il y a eu aussi dans, peut-être chez Air France ou ou la Poste. Après, je pense que tu voulais venir peut-être après, mais... Peut-être un mot sur les privilèges. Si... J'allais parler d'abord des services de train à l'étranger. Ah bah oui, comment ça se passe ailleurs ? Parce qu'on nous vend, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, quoi. Et on nous dit, en ce moment, quelque chose que j'entends de façon récurrente dans les médias, c'est l'Angleterre, c'est génial. Regardez, ils ont fait ça, et puis finalement, ça marche bien, etc. Bah, l'Angleterre, c'est magnifique, parce que quand ils ont privatisé déjà, ils ont eu énormément d'accidents de train. Tout de suite, dès l'ouverture. Carton plein dès le début. Alors c'est vrai, maintenant, il n'y a plus de problème. C'est privatisé. Les trains, c'est une entreprise privée qui roule sur son tronçon. Et donc, elle qui gagne l'argent des billets et tout revient à cette société privée. Sauf que l'Angleterre est revenue sur une chose, elle est revenue, c'est-à-dire sur la privatisation de la sécurité et de l'entretien des voies. C'est-à-dire que les trains qui roulent sont privés, les bénéfices vont aux entreprises privées, mais par contre, qui entretient les rails, ce qui coûte le plus cher, qui entretient et qui gère la sécurité du réseau ferré anglais, c'est l'État. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à une forme. Donc ils ont renationalisé l'activité qui n'était pas rentable. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Qui est la nôtre, qui est réseau pour le coup. Ouais. Ils ont renationalisé la partie la moins rentable, qui est la sécurité, qui est aussi pour les gens. Alors après, la sécurité, pour moi, ça n'a pas de prix. Hein. C'est un peu la mentalité des cheminots pour le coup. Mais c'est vrai que l'Angleterre là-dessus, eux, ils ont dû revenir là-dessus parce qu'ils avaient à un moment trop d'accidents, trop de risques. Ils prennent pas de risques. Ça, c'est quelque chose qu'on dit pas tellement, parce que quand on nous vend ça, on nous dit pas, mais finalement, ils sont quand même, ils ont, parce que ça signifie qu'ils ont tout privatisé, mais ils ont fait un pas en arrière. Finalement, on est revenu quand même. Ils ont fait un pas en arrière. Alors après, peut-être que les gens ne le disent pas assez ou se renseignent pas assez. Alors après, je pense que de certains journalistes, c'est fait totalement exprès. Alors après, bon, c'est vrai qu'il y a. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un réseau qui est le réseau italien, qui lui est totalement privatisé. Mais en situation de monopole quand même. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui exploite le réseau à 90%. Ouais, donc ça revient au même que d'avoir la SNCF, sachant qu'ils n'ont pas les kilomètres de voies qu'on a et ils n'ont pas non plus... ils n'avaient pas de l'histoire de la SNCF. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont jamais beaucoup travaillé avec le train. Et du coup, ça s'est développé très tard. Ils ont eu beaucoup de problèmes de développement et donc ils ont un peu refilé le bébé à une entreprise privée qui, elle, a pris le monopole et qui est vrai qu'il travaille bien, mais... qui a une situation de monopole comme l'a eu la SNCF sur l'évolution du temps. D'accord. Et les autres pays d'Europe, ça fonctionne. Par exemple, en Allemagne, c'est quoi? C'est privatisé maintenant, la Bundesbahn? Je ne sais plus comment ça... T'as peut-être plus d'infos, toi, sur la Deutsche Bahn. Mais il y a une bonne partie des chemins de fer, effectivement, qui sont privatisés. Mais et les chauffeurs aussi. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire C'est une question importante, parce que tu m'expliquais qu'il y avait... des trains privés, donc tout ça, à fait. Ils ont leur train. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Il y a des trains privés, donc ça veut dire que le train n'appartient pas à la SNCF. Tout à fait. Il roule sur les voies, c'est ça. Alors c'est quoi? C'est la SNCF qui lui donne l'autorisation quand même, j'imagine, de dire bon, t'as le droit de rouler là, quoi. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Et les chauffeurs, et c'est ça qui est le plus étonnant. Donc il y a même des chauffeurs de train. On dit d'ailleurs chauffeur de train, conducteur, je me disais, ça sonne pas bien, conducteur, qui privé, donc c'est-à-dire lui, là, carrément, bon, bah, il est même plus à la SNCF. Quoi. Ouais, vous avez des entreprises privées, je sais pas, par exemple, je dis un truc au hasard, ETF, Bouygues, ils ont des trains à eux, c'est-à-dire, c'est des trains totalement privés qui ont des conducteurs privés, statut privé, et qui sont conducteurs de train. Juste un petit truc sur le monopole qui disait le camarade. Effectivement, juste un truc sur cette illusion qui consiste à dire que nous serions, dans le cadre européen, dans une concurrence libre et non faussée. Ah oui. Bah, on voit bien par rapport à ce que tu as dit, on voit là, c'est faux, c'est totalement faux. On est dans un processus de monopolisation d'un secteur qui va permettre à faire du profit. Donc, que ce soit, on passe du monopole à un monopole. La seule différence, c'est qu'on est dans un monopole privé. On passe d'un monopole public d'État à un monopole privé, quoi, tout simplement. On parle de la multinationale, et c'est bien ça qui... C'est tout simplement la caractéristique de l'impérialisme, qui est le capital financier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre l'État et les multinationales. L'État sont totalement subordonnés aux multinationales. Et l'État met en application ce que les patrons du CAC 40 leur dit de faire. Et les gens, concrètement, les gens, il faut qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une dérégulation grave du transport, ils n'auront pas forcément une diminution des tarifs, Ça, c'est pas assez faux. C'est plutôt une augmentation à craindre maintenant. C'est possible. Partout, on a privatisé parce qu'à chaque fois, nous avons eu évidemment les louanges de la privatisation. Mais ce qu'on peut constater, à chaque fois qu'on privatise, les tarifs augmentent. J'ai jamais vu une privatisation et ça baisse. J'ai jamais vu. Le cas le plus frappant, c'est France Télécom avec Orange, qui en plus s'était allié avec SFR et Bouygues pour pas baisser leurs tarifs. Pour pas baisser leurs tarifs. Et pour pas qu'ils cassent le marché, ils avaient tous fait un système. En plus, ils ont été punis par la loi. Parce qu'ils s'étaient arrangés, c'était partagé le marché. On sait que les grandes surfaces le font, elles ont aussi été punies, elles se partageaient les prix, les parts de marché. Donc finalement, ils s'entendent entre gros, quoi. Et d'ailleurs, il y a une vidéo à aller voir qui est intéressante sur YouTube de De Villiers, donc pas le général, le frère, le politicien, qui raconte une histoire quand il est arrivé. Justement, il avait oublié des dossiers au Conseil européen. Il était arrivé, il arrive au milieu de l'hémicycle, en fait. Et il a vu plein de gars en EPAP, en fait, quand il est rentré dans le truc, plein de gars en EPAP, en train de négocier, en fait. Et c'était tous les patrons, lui, disait, les patrons du 440, des grosses entreprises européennes, qui étaient en train de discuter avec les responsables européens. D'accord. La vidéo, elle est disponible sur YouTube, c'est lui qui raconte. D'accord, oui, ils se sont partagés, parce que finalement, c'est clair, pour les entreprises privées, c'est extrêmement rentable, ces marchés publics-là, mais sauf que nous, à quelle sauce on va être mangés, les passagers? Parce que ça veut dire que le réseau français, dans cette optique de privatisation, on peut très bien, par exemple, je sais pas, une région va choisir de travailler avec, les Allemands, ça va être la Deutsche Bahn, et puis... je sais pas, il y a la Renfe, c'est les Espagnols, je crois, ils vont travailler avec la région Perpignan. Et puis, donc, on peut arriver à une situation comme ça, de passer de... voilà, et puis il y aura la Renfe, puis l'autre côté, ce sera, je sais pas, peut-être bien même des Américains, je sais pas, etc. Tout à fait, à partir du moment où la loi du ferroviaire, d'une manière générale, les chemins de fer sont totalement subordonnés aux fluctuations de marché, à la loi du marché, etc., on peut tout imaginer, en fait. Ils peuvent très bien, les collectivités territoriales, les régions peuvent très bien décider de bosser avec différentes entités. C'est très possible, quoi, en fait. Hein. Mais sur le, je voudrais venir sur un point qui est important, sur le fait que, en fait, ce qui est intéressant dans ce processus, c'est qu'ils veulent privatiser la force de travail cheminote. Ouais. Et dans ce sens, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais je crois que les gens qui nous regardent, ils ont tout intérêt à défendre leur service public, ils ont tout intérêt à défendre leurs cheminots. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez vous tirer une balle dans le pied tout seul. Parce que si vous défendez pas vos cheminots, si vous laissez faire, vous ouvrez la porte à la dictature du capital, vous ouvrez la porte au monopole, vous ouvrez la porte à l'oligarchie financière, vous ouvrez la porte à la financiarisation tout profit et la casse du service public total, et vous allez ouvrir la porte à l'aggravation de l'exploitation de la force de travail. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est que le cheminot, par exemple, travaille comme le pauvre mec de Bouygues, qui va bosser sur la voie et qui n'a même pas le temps d'aller pisser ou d'aller bouffer. Et elle est là, la réalité. Et donc, il passe par les cheminots parce qu'on a des acquis sociaux, parce qu'on va y revenir aussi à ça. Oui, c'est un aspect important. Évidemment. Ah bah oui. Effectivement, ils ont logique là-dedans. C'est pas pour rien qu'ils nous visent. Hein. Donc, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais vous avez tout intérêt à défendre les cheminots, parce que quand ils vont arriver vers le privé et à vous, ça va être compliqué. Et n'oublions pas que du coup, on est sous la loi travail. On est sous l'article 2 de la loi travail qui permet aux entreprises de négocier leurs trucs en interne. Il n'y a plus les fameux accords de branche. Et je vous rappellerai aussi qu'il va y avoir les CSE à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'il va y avoir une modification profonde des IRP. Là, il faut expliquer. J'allais venir justement des instances représentatives du personnel, c'est-à-dire tout ce qui est délégué du personnel, CHSCT, etc. Tous ces éléments qui faisaient qu'à un moment, on pouvait mettre un obstacle aux dérives. Ça va être modifié en profondeur à la fin de l'année. Et ça aussi, ça rentre dans le cadre de la loi travail qui a été validée. Donc, c'est pour ça aussi que le cheminot, et pour le coup, on leur a dit, si vous ne défendez pas votre service public, vous ouvrez la voie à une aggravation de l'exploitation. Parce qu'entre guillemets, vous, votre statut, il va évoluer comment ? Par exemple, une entreprise va racheter un tronçon et avoir le personnel qui a affrété à ce tronçon va devenir privé, c'est ça? C'est par exemple, toi, sur ton tronçon, il se peut très bien c'est racheté par une entreprise, imaginons Vinci rachète demain, et finalement, ton contrat SNCF, en fait, tu deviens employé de Vinci, c'est ça? C'est... Alors moi, pour l'instant, je ne suis pas touché. Ah ouais, ouais, non, ouais, non. Ah, je ne souhaite pas... Non, c'est-à-dire que c'est nos collègues de... Donc, du service mobilité, eux, c'est ceux qui sont conducteurs de train, d'accord, mais de conducteurs de TER. Ouais. C'est-à-dire que quand le tronçon sera racheté, tout ce qui est personnel de gare et à l'intérieur du train, c'est-à-dire le conducteur, par exemple, toi, tu es très concerné, alors directement en tant que conducteur, ouais, d'accord. D'accord, voilà. Alors, conducteur, ouais, les gens qui travaillent au guichet, voilà, c'est ça, dans c'est les ça. Trains, les gares, ouais. Eux passeront chez Vinci. D'accord. Ça a été mis, c'est un article du Monde, je crois. C'est, ils sont vendus avec. Ils sont vendus que... avec, voilà. On est tranquille. Ouais, c'est le. Mais ils ne perdent pas, soi-disant, leur contrat et alors après. Et leurs avantages sociaux, ça, ça va pas. D'accord, d'accord. Pour le moment. Pour le moment. Parce qu'après, justement, avec les nouvelles lois travail et tout, on ne sait pas. On ne sait pas, parce qu'il Vinci pourra remodifier, voilà, comme elle veut, les conditions de travail ensuite. Donc. Alors après, bah. Je pense qu'on va rentrer dans le ce qui pique un peu les privilèges, mais ah, allons-y. Alors, c'est quoi les fameux privilèges que le gouvernement n'arrête pas de nous dire, mais c'est des privilégiés ces gens-là. Alors, faut savoir, on a déjà accentué sur le ce qui fait le plus mal, c'est la retraite pour les gens. Les cheminots partiraient à 55 ans. Alors, faut savoir qu'avec l'un des packs ferroviaires qu'il y a eu et la loi Sarkozy, aujourd'hui un cheminot ne part plus avec sa retraite pleine. Avant 59 ans, ils ont reculé de 4 ans. Donc, on avait un régime spécifique. Donc, on part plus tôt que les gens. Mais c'est pas comme la légende le veut, où on peut partir à 55 ans. On peut partir à 55 ans légalement, mais on perd, une grosse somme, je crois, sur leur retraite. Ils perdent, si je dis pas de bêtises, 30% à peu près de leur retraite. Ah ouais. Donc, ils peuvent partir à 55 ans. Mais il se retrouve à, à 1000 euros au lieu d'en gagner 1006. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est bien de jouer sur les nuances quand on en a envie, mais je pense qu'à un moment, il faut remettre l'église au milieu du village et faut dire ce qu'il en est. Donc ça, c'est sur le point retraite. Alors après, moi, j'avais regardé donc, la retraite à poste équivalent, donc ce que j'avais discuté avec toi. Donc à poste équivalent, on est à... Allez, aux alentours de 150-200 euros de différence de salaire, donc en plus pour le cheminot, par rapport à une personne du privé, à poste équivalent. Donc, après, j'avais dit, souvent, dans le privé, surtout les grosses boîtes comme Arcelor, tout ça, elles ont des très bonnes complémentaires retraite. Donc, en fait, nous, on a jamais eu de complémentaire retraite, les cheminots n'ont jamais eu de complémentaire retraite, mais... Par contre, ils payaient plus pour qu'ils partent avec plus parce que surtout à l'époque, tout le monde partait avec des complémentaires retraites, ce qui est un peu moins le cas maintenant. Donc, on tire toujours vers le bas de toute façon. Et donc, pour compenser à ça, ils avaient mis un peu plus de retraite. Donc, nous, on est calculé à 75% donc, du fameux traitement qui est notre salaire brut sans les différentes primes. Et donc, nous, le salaire brut, donc, c'est 75% sur les 6 derniers mois, les 6 meilleurs derniers mois. Ce qui est différent avec le privé qui est 55% sur les 25 meilleures années. Oui, d'accord. Donc, ça veut dire que finalement, oui, vous n'avez pas de temps, ce n'est pas supra-avantageux finalement le petit avantage. Alors, c'est une caisse de retraite aussi interne à la SNCF. Ouais, justement, ce qu'ils appellent le sac à dos social. C'est un cadeau social. Transfert du personnel, mais en gardant le statut. Ça, c'est une illusion totale. Pourquoi ? Parce que le statut de cheminot, le régime spécial, quand tu es cheminot, tu cotises pas en gros, tu vas pas à la sécurité sociale. Tu cotises pas à la sécu. Tu cotises dans une caisse spéciale, un régime spécial, un régime des cheminots. Et ce régime est autofinancé. C'est un régime qui n'est pas. Il n'y a pas d'origine financière étatique, etc. Il est autofinancé. C'est les cheminots qui, de par leur cotisation, paye directement pour la caisse, leur caisse. Donc, vous allez avoir, ils nous l'ont dit, il va y avoir des nouveaux entrants qui ne seront pas au statut, qui vont donc cotiser à la sécurité sociale, qui ne vont pas cotiser sur la caisse des cheminots. Et de plus, vous avez des départs en retraite. Vous avez beaucoup de cheminots qui partent en retraite, qui ne cotiseront plus. Et vous avez, il va vous rester un noyau dur de cheminots et qui même s'il continue à payer des cotisations sociales sur une caisse spéciale, ça ne suffira pas pour la pérennisation du régime spécial. Donc ça, c'est un leurre. Et de plus, il faudrait qu'ils nous disent comment ils vont faire pour dépasser cette contradiction entre les deux réglementations. Parce que les entreprises privées, les monopoles, je vois mal un cheminot débarquer dans les locaux de Vinci ou Bouygues ou je sais pas où et leur dire bah maintenant vous allez tous vous adapter à ma réglementation parce que je suis cheminot et non l'autre il va plutôt nous dire bah toi tu vas t'adapter à nous sinon tu dégages. Oui c'est ça, c'est évident. C'est à dire quand ça va être racheté par de Vinci va dire non mais les trucs votre caisse spéciale c'est fini, vos machins, vous êtes en fait, au même niveau que tout le monde, quoi. Ils vont dire, c'est comme tout le monde, quoi. Bah, c'est ça. Et surtout, moi, le point privilège qu'on nous accorde, qui fait partie du fameux sac à dos, comme il l'a dit, c'est la sécurité de l'emploi. Alors, oui. La sécurité de l'emploi, on va revenir là-dessus. La sécurité de l'emploi, c'est quoi? C'est la sécurité. Donc, on ne peut pas être licencié économiquement. C'est-à-dire que si je fais une faute grave demain, je peux être licencié, ce qui est logique. Mais en gros, si ils ferment mon secteur, ils doivent me reclasser. Et je veux dire, moi, j'ai jamais vu une personne en CDI dire que c'est un privilège. C'est-à-dire si maintenant c'est privilégié d'avoir un contrat à durée indéterminée, parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est juste que moi, je vais être reclassé, comme c'est une entreprise encore nationale. Eux, ils ont le pouvoir de pouvoir nous reclasser, ce qui n'est pas tout le temps le cas, et ce qui est dur pour les gens du quotidien, que je comprends, hein. Mais je veux dire, nous, on crée un service comme un chauffeur de taxi, un ambulancier. Je veux dire, on est des prestataires de services. Je veux dire, on rend service. Je veux dire, on crée quelque chose. On n'est pas là, on n'est pas payé à rien faire avec la sécurité de l'emploi. Donc moi, qu'on vient de me dire que la sécurité de l'emploi est maintenant un contrat à durée à déterminer, c'est être privilégié. Je pense que les gens devrait plus regarder ce qui se passe dans le privé et se dire que c'est pas normal qu'on puisse virer comme il y a eu à Carrefour, alors qu'ils font des bénéfices, mais ils disent que, ouais, mais vous comprenez, pour être plus rentable avec les nouvelles lois travail, on a le droit de vous dégager. C'est ça qui est pas normal. C'est pas, c'est pas les cheminots qui ont un contrat, justement, où eux, ça leur permet de garder l'emploi et quoi qu'il arrive, peu importe les finances, ils peuvent pas être licenciés. Ouais. Et aussi, alors, parce que ça, c'est aussi une légende urbaine, vous contestez formellement le fait que vous soyez payé quand vous faites grève. Non, mais je dis ça parce que c'est quand même une sacrée... On le dit tout le temps. Alors, vous me dites, mais c'est faux. Et j'ai vu passer plein de fiches de paix de cheminots sur Internet qui disent, non, mais regardez, on n'est pas payé quand on fait grève. Hein. Alors, juste revenir, avant de répondre à ta question, t'es pas juste finaliser sur ce que disait le camarade, sur le fait que sur les privilèges... Les privilèges, entre guillemets, qui ne sont pas des privilèges, sont ce qu'on appelle des acquis sociaux. Des acquis sociaux que certains cheminots, certains Français se sont battus lors de la guerre, etc., pour décrocher des acquis sociaux. Moi, je crois que la question qui se pose, c'est la question de la conservation des acquis et de l'extension des acquis sociaux. Enfin, la CGT, elle a dit ça. Elle est pour la conservation des acquis sociaux et leur extension à tous les travailleurs. Donc en réalité, tous ces médias corrompus et leurs copains du gouvernement, s'ils passent leur temps à pointer les cheminots en disant « Ah, les privilégiés » et pointer les acquis sociaux, c'est parce qu'ils veulent empêcher le développement d'une lutte qui s'orienterait vers la conservation et l'extension des acquis sociaux. Donc en réalité, on a affaire à une bande de privilégiés, d'oligarques, de technocrates qui ont des putains de privilèges, 10 000 fois meilleurs que nous, et qui nous pointent comme étant des privilégiés pour éviter qu'il y ait une révolte populaire, pour qu'il y ait un mouvement qui est dans le sens qui s'orienterait dans le sens de l'extension des acquis. Donc ça, je voulais le placer parce que je crois que c'est relativement important. Et pour répondre à ta question, les grèves n'ont jamais été payées. Les grèves, quand on fait grève, tu poses le sac, t'arrives de travailler, t'es pas payé quand t'es travaillé. Où est-ce qu'on a vu qu'un patron payait son salarié s'il arrête de travailler? Ça n'existe pas. Donc ça, c'est une légende urbaine. Non, mais il faut le dire, parce que beaucoup de gens le pensent. Ils disent, non, mais en plus, ils font grève, ils sont payés. Ouais, sinon, honnêtement, je pense que si on pouvait faire grève et être payé, je pense que tout le monde ferait grève. Parce que là, pour le coup, tous les cheminots ne font pas grève, parce qu'il y en a justement qui veulent pas perdre d'argent. Donc c'est ça qui crée des fois les... Donc ceux qui le font et ceux qui ne le font pas. Et ce que je peux comprendre parfois quand certains ont des crédits. Quoi. Bon. Et ça marche aussi, le service minimum, la loi de Sarkozy, là, qu'il avait mis en place, ça fonctionne, ça, comme... c'est juste que les gens doivent prévenir, c'est 48 heures ouais. 48 heures à l'avance, mais pas tout le monde. C'est-à-dire que c'est pour tout ce qui est contrôleur, au guichet, aiguilleur et conducteur. C'est eux qui doivent prévenir, en fait, au moins 48 heures à l'avance pour qu'eux puissent anticiper au cas où. Mais si tout le monde, 48 heures à l'avance, dit qu'ils sont en grève, ce qu'il y a eu pour le week-end de Pâques, bah, ils se retrouvent avec, avec 10% des trains qui roulent quand même. Donc il n'y a pas de vrai service. Parce qu'en minimum, fait, ils ne pouvaient pas quand même empêcher quelqu'un de faire grève. D'un point de vue juridique, c'était très compliqué. C'est anti-constitutionnel. C'est anti-constitutionnel. Là, ils ne pouvaient pas. Après, bon, pour finir sur les privilèges, parce que c'est vrai que je l'ai noté, et ça revient aussi souvent, c'est les titres de transport. Ah oui, alors les titres de transport. Alors là, je sais. Alors, vous voyagez gratuit tout le temps, c'est ça. Il ne sera peut-être pas d'accord avec moi. Moi, je pense, je suis pour aussi peut-être lâcher certaines choses parfois. Alors, expliquez-nous, c'est quoi ce privilège des titres de transport? Le privilège des titres de transport, clairement, c'est que. Je vais prendre mon cas. Donc, moi, cheminot, ma femme, mes enfants, ses parents à elle et ses parents à moi ont des voyages gratuits et des réductions de voyages. Alors. Il faut savoir que mes parents, je crois que c'est 4 voyages par ensemble, par personne et par an. D'accord. Et pour les beaux-parents, c'est la même chose. Ouais. Et donc, moi, ma... Ta femme donc, et tes enfants, femme, c'est illimité. Mes enfants, c'est... c'est pas illimité. On a un certain nombre de voyages gratuits totalement, mais ils payent que 10% du billet. Ils ont 90% de réduction. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est... c'est vrai que quand on vient à Paris, c'est une bouchée de pain par rapport à ce que les gens payent. Ah bah oui, oui. À 30 euros le billet... Moi, c'est vrai que je suis pour... peut-être laisser les titres de transport à ce qui est beaux-parents, mes parents, mais je pense qu'on ne peut pas l'enlever à ce qui est famille proche, c'est-à-dire bah, la les autres noms partout dans l'aérien, ça existe partout. On va pas, D'ailleurs, même, d'ailleurs, si on va par là, il me semble, ça reste à confirmer, mais les, par exemple, les policiers ne payent pas ont une sacrée réduction sur les billets de train, les militaires ont 80% de réduction. Ils payent 80%, ils ont 80% de réduction, ils payent que 20%. Les députés. C'est l'équivalent. Et en plus, s'il te plaît, les députés, ils voyagent gratuit. En plus, en classe, en business class, il me semble. Première voilà. Première classe. C'est obligatoire. Donc, si on va dans cette logique de coup, bah, il faut enlever toutes les cartes à tout le monde. Il faut enlever aussi les cartes aux militaires, aux flics, aux députés, si on est dans une logique de coup. Oui, dans l'absolu, oui. Surtout que l'argument où je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire c'est le manque à gagner. C'est-à-dire qu'ils disent que, dans le rapport Spinetta, il dit qu'il y a 100 millions d'euros de manque à gagner. Mais on en revient à une chose, moi c'est ce que je dis, s'ils enlèvent aux enfants, et par exemple aux épouses et aux enfants, les facilités de circulation et donc les 10% à payer, je veux dire, ça devient tellement cher qu'au final ils vont prendre la voiture et donc le manque à gagner il sera quand même là parce que les gens prendront juste plus le train. Je veux dire, c'est pas. Oui, c'est... allez, non, c'est dérisoire. C'est dérisoire. En plus, c'est des avantages. On sait très bien que dans toutes les grosses entreprises, t'as quand même l'avantage de l'entreprise où tu et travailles. Bon, c'est quand même le minimum. Les journalistes, ils ont une niche fiscale de 7 500 euros avec leur statut. Avec leur statut. Avec le statut de la carte de presse. Tout à fait. Qui a un statut fiscal à la base. Tout à fait. Et donc, eux, ils ont le droit à une réduction. Donc, je veux dire, dans toute entreprise, tout métier, il y a des avantages et des inconvénients. Je veux dire, nous. La différence, c'est que moi, on peut m'appeler. Bon, moi, j'ai des astreintes, mais bon, qui sont rémunérées. Par contre, il faut savoir que s'il y a un déraillement, par exemple, et une urgence, comme il y a eu le cas à Brétigny, où il y a les cheminots, comme on appartient, entre guillemets, à l'État français, ont le droit d'être réquisitionnés. Ils seront payés, bien entendu, ce qui est normal, mais on a le droit à la réquisition donc, des cheminots. D'ailleurs, on t'oblige à. On dit, on a besoin des cheminots, là. Ils s'obligent jamais vraiment. Après, justement, l'amour du métier ou du statut fait que nous, on se sent quand même obligé de toujours aller ou toujours au moins faire l'effort. Donc, c'est vrai que moi, à chaque fois qu'il y a eu un incident, m'est déjà arrivé alors que j'étais pas d'astreinte, que j'étais pas obligé de sortir parce qu'il y avait eu un incident, qu'il fallait remplacer un rail, qu'ils n'avaient pas le temps et que c'est lourd, donc il faut y aller à plusieurs. Et j'ai été donné un coup de main, quoi. Sur la gratuité des, enfin ce qu'on appelle les facilités de circulation, c'est vrai que j'ai un avis qui est un peu différent. En ce qui me concerne, je pense qu'on pourrait avoir une gratuité des transports pour tous. Ah oui, explique-nous ça. Pour moi, je vois pas pourquoi les transports seraient, pour moi, ils devraient être gratuits pour tout le monde. gratuité de transport, c'est facile. Hein. Moi, je vais vous reprendre les grands chiffres des 10 multinationales des CAC 40, du CAC 40. Hein. Sanofi, ils ont fait un profit de 8,4 milliards. BNP, ils sont à 7,9 milliards. Total, 7,7 milliards. AXA, 6,2 milliards. LVMH, 5,1 milliards. Renault, 5,1. Safran, 4,8. ArcelorMittal, 3,8. Crédit Agricole, 3,6 milliards. L'Oréal, 3,6. Ça fait un taux de profit qui est de 52 milliards, juste pour les 10 premiers multinationales du capital. Donc, gratuité des transports, pardon, on peut l'avoir en ponctionnant directement sur les profits des grands groupes financiers. Donc, on peut rester dans un cadre public, en plus qui serait gratuit, et qui serait financé directement par les profits capitalistes. Et qu'est-ce qui serait gratuit? Tous les transports, c'est-à-dire les Je parle pour les chemins de fer. Les chemins de fer. Non, mais quand je dis les chemins de fer, les lignes de banlieue et les TGV. Parce que ces TGV, ça coûte cher, non, quand même, non? Ou je me trompe, peut-être? Ouais, mais et quand on parle des 52 milliards, c'est pour que les 10 premières et sur une année. Hein. Donc, je sais plus c'est quoi le chiffre, mais c'est phénoménal. C'est plusieurs milliers de milliards de pognon que les monopoles se mettent dans la poche tous les ans. Donc vous avez largement de quoi financer un transport. Il suffit d'avoir une logique de vente. Vous êtes dans des gares, des magasins, des trucs. Il n'y a plus qu'à une fluctuation économique, on va dire, qui fait que vous pouvez boucher les trous par-ci, par-là. Vous avez largement de quoi faire pour avoir les transports gratuits pour tout le Mais monde. Ce serait pas un peu la désorganisation, non? Parce que, en fait, par exemple, alors, moi, question peut-être tabou, pourquoi dans cette grève, par exemple, vous proposeriez pas au public justement cette gratuité des transports? Est-ce que les gens, justement, ça les mettrait pas tous de votre côté immédiatement? Bah, en ce qui me concerne, je suis pour. Je suis pour la grève par gratuité. C'est-à-dire ouvrir les portes à tout le monde. Et je dirais même qu'on pourrait faire en sorte que on ouvre la porte à tout le monde, d'accord, tout le monde passe gratuitement, et on organise des débats publics entre les cheminots et les usagers. Moi, je pense que ce sera une solution pour mettre l'opinion publique dans notre poche. T'en penses quoi, toi aussi, ça? Non, c'est... Après, moi, c'est vrai que je me suis pas penché sur le sujet, donc j'ai pas trop forcément m'étaler. Mais je pense que on devrait être un peu plus. Après, c'est compliqué à mettre en place, mais c'est vrai que de faire en sorte que personne paye et faire des trains sans que personne s'y attende en s'arrangeant avec les usagers, je pense que ça peut être des bonnes choses intelligentes pour éviter de les embêter, forcément d'embêter tout le temps les usagers. Après, le problème, c'est que c'est aussi notre seul poids, notre seule façon de lutter. Ouais, quoi. De lutter, ouais, tout à fait, c'est ça. Vous êtes un peu pris entre deux feux, si j'ose dire. Parce que les usagers, quelque part, c'est ça. Bon, j'ai l'impression que sur ce mouvement-là, ils sont assez compréhensifs. Ils sont plus compréhensifs, ouais, ouais. Mais c'est vrai, ils sont plus compréhensifs parce qu'ils voient bien que La Poste, Orange, je veux dire, les gens, à un moment, ils ne sont pas dupes. Je pense qu'il y a un moment où les gens, ils ont du recul et qu'ils se rendent compte des choses. C'est pour ça que je pense que les médias, je trouve, ils cassent un peu moins que d'habitude. C'est-à-dire qu'ils cassent, mais ils prennent un peu plus de recul. C'est un peu plus. Alors après, parce que les gens, ils ouvrent les yeux, qu'ils voient bien que tout ferme, que tout est dilapidé. Donc il y a un moment où les gens prennent du recul et je pense sont attentifs. Alors, il nous reste combien de temps? Une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure avant de. Je pense. Vas-y, parce que je vais prendre des questions après, ouais, voilà, des je me gens. Que tu veux prendre des questions. Ouais. Non, mais vas-y, et si t'as quelque chose aussi. Je voulais vas-y. Juste qu'on fasse un petit aléa sur ce qu'il y a eu à la manif à Paris. Ah, bien sûr. Alors parle-nous. Avec le pauvre Vincent Lapierre. Ah là. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouais. Parce que sur les manifestations, parce que justement, j'avais une question là-dessus. Je vois en fait que les mouvements qui sont liés en ce moment aux cheminots sont très, en tout cas, vampirisés par les mouvements syndicaux. Ce sont eux qui sont quand même les porte-parole, les porte-voix, porte-drapeau des mouvements. Et ils ont une tendance à vouloir écarter les gens qui ne sont pas, on va dire, sur leur ligne politique. Politiquement correct. Espèce de politiquement correct. On va dire ça comme ça. Et, mais ça, c'est insupportable, parce que j'ai vu qu'il y avait même des gens de l'UPR qui avaient eu des problèmes. Bah, c'était vers chez toi, d'ailleurs, à Nancy ou Metz, je crois bien, dans une des deux villes. Oui, j'ai vu la vidéo, c'est Nancy. C'est à Nancy. Voilà, c'est à Nancy. Ou bon, t'as ces gens du PR qu'on connaît qui manifestent avec voilà au Frexit, sachant que ce qu'on a dit en début d'émission, c'est complètement cohérent de mettre en lien l'Union européenne et ce qui se passe, et ils se font dégager Manu Militari. On a vu le pauvre Vincent Lapierre. Alors après, se faire dégager. Je mets une nuance en moi entre Vincent Lapierre et un parti politique. Ouais, ouais. Alors parce que après, je peux comprendre parce que moi, quand on était à Paris, t'as été aussi. Et c'est le défilé des politiques qui viennent jouer leur, oui. leur mea culpa pour se montrer devant certes, la caméra. Mais ce jour-là, il n'y avait pas que l'UPR. C'est pour ça. Non, non. Le jour-là, il n'y avait pas que l'UPR. C'est d'ailleurs, Asselineau est passé. je crois que personne ne savait qui c'était et qu'il est passé un peu inaperçu parce qu'ils n'avaient pas de grosses banderoles. Et, je veux dire, comparé à Mélenchon qui a fait un peu son. Ah oui, sa star. ouais, c'est vrai que après, moi, ça... là-dessus, par contre, je trouve ça gênant qu'il y ait tout d'un coup Benoît Hamon. Je crois que le PS s'est fait sortir. Par il contre. S'est fait dégager. Hein. Ils n'ont pas été bienvenus, le PS. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est un peu plus après, justifié. C'est un peu plus justifié, un peu que, justifié. Je veux dire, je peux comprendre parce qu'ils qu'on sont responsables aussi. Voilà. Parce que Hollande a commencé justement le. Voilà, moi, c'est la logique la politique. Casse. C'est-à-dire, le PS, quand on le dégage, bon, ce qui m'a plus dérangé, mais... honnêtement, alors, je pense pas que tu le suis forcément, surtout. Mais Vincent Lapierre, moi, j'ai trouvé ça franchement dégueulasse et pas normal. Parce que. Je veux dire que tu dégages un journaliste, dans ce cas tu dégages Vincent Lapierre, tu dégages BFM. Bah, tu dégages qui BFM. Tu plus sur la gueule bah, que Vincent Lapierre. Parce que Vincent Lapierre, dégages... en plus, il est du côté des cheminots, ouais, après j'ai envie coup, de dire. Donc c'est un peu incohérent. Mais en plus, bon, à part celui qui était de Sudra, il a un qu'on voit sur la vidéo au début, j'ai l'impression que les autres ne. C'est les étudiants, parce qu'il y a un moment, il y a les étudiants qui sont venus avec nous. Ouais. C'était à un moment, c'était un petit peu le bordel. Il y avait des chinois, ouais, c'est, d'accord, et c'était un peu hétéroclite. Ouais. Parce que bon, il y avait les cheminots, mais les étudiants, il y a une partie des étudiants qui sont partis avec les cheminots et une autre qui sont partis avec les profs qui, eux, partaient de l'autre côté de Bastille et tout le monde se rejoignait à Bastille. Ouais. Donc, c'est ça qu'il y a eu. Après, moi, ce que je vois dans la vidéo de Vincent Lapierre, c'est que Vincent Lapierre, en deux secondes, il est repéré, il se fait sortir de la manif. Et moi, j'ai avancé, j'étais tout devant au niveau de la manifestation. Et je veux dire, à un moment... on voit des casseurs, on voit des bouts de verre par terre, on continue à avancer, on comprenait pas, des fois le cortège s'arrêtait. Et comme il y a des cheminots qui en avaient marre de s'arrêter, on a commencé à avancer. Moi j'étais tout devant, on avance, et là on voit des casseurs, ils sont tout cassés sur un kilomètre. Oui. Plus d'un kilomètre de voie, ils ont. Bon, après c'était ciblé, hein, c'est les banques, les AXA, bon, on va pas forcément les pleurer non plus, mais bon, je veux dire, c'est pas normal que des gens. Soit dans une banque, se fasse dépouiller, ils ont tout arraché. Moi, j'étais devant, j'ai les photos. C'est impressionnant, quoi. Ils ont tout sorti. Moi, je suis devant. Après, il y a les CRS qui ont envoyé des lacrymos, mais ils ne peuvent pas charger parce que, du coup, il y a les cheminots d'à côté, les étudiants. Donc, ils ne peuvent pas charger non plus tout le monde. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment des casseurs arrivent à s'immiscer entre deux cortèges, cassés sur un kilomètre, et ne pas être inquiétés alors que Vincent Lapierre, en 10 secondes, il se fait dégager d'une manif, quoi. Donc, moi, il y a des trucs. Et en plus, nous, ça nous a handicapés. Parce que ça, je crois que je te l'avais dit. Ça nous a handicapés parce que nous, par exemple, qui n'habitons pas Paris, on avait un train à reprendre. Parce que c'était pas un grève, c'était pas un jour de grève, c'était une manifestation. Donc, nous, on avait un train à prendre. Et on devait être à Bastille. On aurait dû être à l'heure. Sauf qu'on n'a pas réussi à atteindre Bastille parce que, du coup, les casseurs nous ont ralenti. Donc, la moitié des cheminots ont dû faire demi-tour pour quand même réussir à avoir leur train. Donc moi il y a des donc, y a ça, des donc choses clairement en plus oui ça vous handicape pas, sur tous les ouais, points de vue faire niveau le de l'image mais... en plus dans votre organisation enfin, c'est... je veux pas faire le complotisme mais moi en fait jusqu'à une fois que j'avais vu la vidéo de Vincent Lapierre on avait des doutes et une fois qu'on avait moi j'ai vu la vidéo de Vincent Lapierre je veux pas mais ça met des doutes quoi je veux dire il y a un moment on est là il y en a il arrive il se fait sortir de la manif en deux secondes puis les autres ils arrivent à casser sur un kilomètre une cinquantaine. Et il y a personne qui arrive à les charger, personne qui arrive à les voir. Ils arrivent à s'immiscer tranquillement avec des grandes banderoles. C'est tout à fait. Et en plus, ça discrédite complètement le mouvement parce que quand les gens voient des violences, évidemment, c'est le meilleur moyen pour dire ah ben non, ils sont. Il y a une espèce de ça devient voilà, ouais. On se rebute quoi. On voit ça, on n'aime pas. Dans les théories complotistes, d'ailleurs, moi, je suis pas du tout complotiste. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que ces gars qui cassent les vitres, etc., seraient des flics. Qui justement sèmerait la zizanie et le chaos. Bah, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. On l'a déjà vu dans d'autres manifs. Par contre, j'étais devant. Moi, je peux vous dire que c'est pas des policiers. Bah, ça, c'est sûr et certain. Par contre, j'étais là. Alors après, il y avait un moment, Serge Ayoub, je crois, qui disait que lui, il était financé des fois par. Alors, possible qu'il soit financé. Mais moi qui étais devant, je veux dire, c'est pas les mêmes qui ont sorti Vincent Lapierre. qui étaient des policiers pour le coup, et ceux qui étaient devant dans la manif. On voit que c'est des jeunes. C'est des jeunes étudiants ou des jeunes. C'est quoi, les Black Blocs aussi les... Ouais, les... bah c'était ça, c'est parti anarchiste, je crois. Ouais, c'est ça, ça ouais. Oui, oui, bah c'est... oui, c'était eux, de toute façon. D'accord. Et eux, de toute façon, leur cible, c'était tout ce qui est banque, assurance. Oui, bah voilà. Ça, leur... ça leur ressort, ouais, c'est cassé, quoi. Parce qu'après, ils ont arraché tous les containers à verre, enfin, je sais pas, sur je sais pas combien de kilomètres, là. D'où peut-être la nécessité d'avoir des revendications, que le syndicat pose des revendications. Peut-être effectivement un des facteurs qui pourrait résoudre le souci, c'est effectivement que la direction syndicale, les différentes directions syndicales posent des revendications justes, cohérentes, qui soient en accord avec les attentes de la classe ouvrière populaire, parce que je crois que c'est ça aussi dont on parle, hein. Je crois que les cheminots sont une avant-garde, pour autant dire, de la classe ouvrière et populaire. Et s'il y avait des revendications cohérentes, proches des attentes des travailleurs à la base, il y aurait peut-être un peu plus. Moi, souvent dans les manifs, moi, ce qui me gêne, c'est que ça part un petit peu en fête du village, quoi. Ah oui, moi, ça me saoule. Moi, pour moi, une manif, c'est t'as des tracts, tu discutes, tu débats. Ah bah ça, c'est ce qu'on reproche souvent, qu'on dit les manifs, à la fin, ils finissent les merguez, les barbecues, on a mis la sono, bon. C'est bien, tu t'ennuies chez toi, tu viens à la manif, mais après, t'as les revendications, t'as la lutte et tout ça, quoi. Est-ce qu'il existe, on pourrait dire, un syndicat patriote? Ça existe, ça? Non, chez vous, non? Non, il n'y en a pas. C'est pas revendiqué, c'est ça? Non, sûr qu'il n'y en a pas, il n'y en a aucun, parce que c'est les quatre plus gros, donc c'est une ça. CGT, qui est le plus gros du coup de la SNCF, Sudrail. Oui, Sudrail. Qui est Sud chez les profs, UNSA chez les profs, CGT chez les professeurs, et CFDT qui, pareil, qui est partout. D'accord. Mais il n'y a pas de. Non, il n'y en a pas. Il y a FO aussi. On a tendance à les oublier. Mais, non, il n'y a pas cette tendance-là. C'est bizarre parce que ils ont l'impression qu'ils sont tous un peu dans le même moule, les syndicats, justement. Je ne sens pas de diversité politique. Peut-être je me trompe, mais... Ouais, mais à la SNCF, il n'y en a pas parce que, justement, on a ce côté un peu famille, un peu tous pareil. Enfin, on n'est pas complètement mouton parce qu'on a chacun nos idées, nos idéaux politiques. Nous, on est différents politiquement, mais pourtant, on est encartés dans la même... Donc, on se bat tous un peu pour la même chose. Je voulais juste préciser un truc sur... Je crois qu'il y a une ligne de démarcation très nette à faire entre la direction syndicale et les militants syndicaux à la base et les travailleurs. C'est-à-dire que vous avez la direction syndicale qui est très bureaucratique et qui est la direction de la bureaucratie du syndicat est une direction, ça c'est mon avis, réformiste opportuniste. Mais ça ne veut pas dire que... en gros, vous avez une base qui souvent n'est pas. Il y a une contradiction entre la direction syndicale et la base militante et les travailleurs. Donc, je crois que c'est important de tracer cette ligne de démarcation entre la direction syndicale et les militants à la base. Et moi, en ce qui me concerne, je crois que la question qui se pose, c'est comment actuellement, dans le cadre de l'impérialisme, vous m'excuserez de faire entendre ceci. Oui, tu vas te faire beaucoup d'amis avec l'impérialisme. La dissidence m'excusera de mettre en avant mon socialiste. Mais je veux dire, je crois que on est dans un moment où la classe ouvrière et populaire est en train de se faire niquer la gueule par un grand représentant du capital qui est Macron et ses copains, parce que c'est ça dont on parle. Hein. Je sais pas si vous avez entendu, je crois que c'est Maduro qui a dit un mot très juste. Macron, c'est un tueur en gage. C'est un tueur en gage de l'oligarchie financière et il a été mandaté pour tuer la France. Donc je crois qu'à un moment, le capital a pris cette contradiction entre le capital et le travail, le rapport de force penche clairement du côté du capital. C'est-à-dire qu'on a affaire à une oligarchie financière qui sont bourrés de pognon, ils ont du profit à pas quoi savoir en faire, ils en veulent toujours plus. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait une régénération du syndicalisme de classe qui peut être impulsé à la base. Il faut que la classe ouvrière et populaire récupère son outil syndical et qu'effectivement, la question va se poser. Bah, surtout que la France, on est un des pays les moins syndiqués d'Europe de l'Ouest. On n'est pas très syndiqués. Je parle du total, hein, on n'est pas hyper syndiqués. C'est pas... Parce que ça, c'est un souci peut-être. Après, ça dépend les pays. Par exemple, en Suède, tout le monde est syndiqué. Ouais. Mais il y a des négociations très fortes en amont qui se font. Je trouve qu'ici, justement... La France, pourquoi il y a la grève aussi? Et moi j'estime que c'est pas que les cheminots qui en sont responsables, c'est aussi beaucoup l'État. C'est qu'ils arrivent, on fait des ordonnances, on passe tout. Et une fois qu'il y a la grève, ils font attendez, on négocie. Alors qu'en Suède, faut savoir qu'en Suède et en Allemagne, avant chaque réforme, les syndicats disent qu'ils vont faire grève. Et là, il y a une négociation. Ils négocient pendant 2 semaines. S'ils ne sont pas d'accord, il y a grève. Sinon, il n'y a pas grève. D'accord, le fameux dialogue social. Le fameux dialogue social. Et le problème en France, c'est que ici, on est là, hop, les députés décident des choses. Par ordonnance. Par ordonnance. C'est plus... Mais bon, pour Hollande, ça a été voté à l'Assemblée. Oui. Donc, ce qui est encore différent. Mais donc, les députés décident de ce qui se passe. Puis quand il y a grève, ils disent « Ah, on a peut-être mal fait. Attendez, on va réfléchir, on revient en arrière. » D'accord, oui. C'est, donc, ce manque de dialogue social. Mais ça fait quand même 20 ans, qu'on a, 30 ans, on entend toujours ça et ça ne se bouge pas. Il y a la même chose à Air France. Il y a la même chose. Je pense que c'est un problème français. Après, pour le coup, je pense que là-dessus, c'est un problème français. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, vas-y, ouais, après je vais prendre les questions, vas-y, je regarde, vas-y, ça, vas-y. Juste, effectivement, sur le dialogue social, c'est important, mais c'est peut-être, je pose la question, est-ce que c'est le dialogue social en lui-même, en tant que fonctionnement social, pourrait-on dire, qui pose problème, ou est-ce que c'est les différents acteurs de ce dialogue social qui pose problème? Moi, des fois, franchement, je pencherais plutôt pour la deuxième solution. Mais ça revient à cette régénération du syndicalisme de classe qui pour ma part, je crois, fondamentale. D'accord. Alors, beaucoup de questions. On me dit, la grève par gratuité, est-ce qu'il ne pense pas que c'est impossible à cause du billet de train qui constitue un contrat de transport, donc une assurance? Donc, si les grévistes font ça, même un évanouissement, ce sera de leur faute. Entre parenthèses, soutien aux cheminots. Bah, il dit, est-ce que c'est possible? C'est vrai, d'un point de vue juridique, ça n'a pas... C'est le côté complexe que je te disais tout à l'heure. Ce serait plus intelligent de faire ça. Mais après, il y a trop de normes. C'est pareil, s'il y a un accident sur les voies, s'il y a un problème, un déraillement, le gars, il n'avait pas le droit de rouler, il a quand même roulé. Justement, il a raison. Il a raison, ça pose des soucis juridiques. C'est le côté juridique parce que le moindre incident, puis la direction, de toute façon, on va attendre que ça, ou l'État. Et donc, le moindre souci qui va être juridiquement possible de nous mettre, bah là, ils vont nous mettre sur le dos. Et puis, bon, puis je pense que la personne, en plus, qui aura fait le geste de dire « Allez, j'aide les gens pour qu'ils aillent travailler, mais je fais grève quand même », il sera... Je pense que... Alors, on me dit « Il est important pour moi de replacer les bienfaits de la SNCF au centre de la négociation. Pouvez-vous nous donner un mot quant à l'état des centres de formation ?» des technicentres, la qualité des formations. Ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué. C'est important, la formation. Parce que tout à l'heure, d'ailleurs, tu me disais, on parlait des chauffeurs privés, tu me disais, bah, ils ont leur propre formation maintenant. Donc, on commence, en fait, à déposséder un peu de la SNCF de son cœur de métier. Que finalement, c'est d'autres qui vont faire la formation. Effectivement, les monopoles, donc entreprises privées, ont maintenant leur propre centre de formation. Et avec la libéralisation, etc., souvent les cheminots, des anciens cheminots, des conducteurs ou des agents de la voie ou autres, quittent l'entreprise et vont se faire recruter dans une filiale et vont bosser en tant que formateur dans une entreprise privée. Et donc du coup, vous vous retrouvez dans des situations. Alors, le truc, c'est que vous avez une augmentation des centres de formation des multinationales, donc des entreprises privées, mais dans le même temps, vous avez... Et c'est pour ça que cette question est importante, parce que non seulement vous avez effectivement une augmentation des centres de formation privés, mais vous avez une diminution des centres de formation cheminotes. Ce qui fait qu'une bonne partie des cheminots, hein, quels que soient les métiers, sont orientés vers les centres de formation du privé. Et moi, ça m'est arrivé d'aller dans le Nord, être formé par une entreprise privée, par un système de sécurité qui serait un peu trop long à expliquer, mais... Et le formateur qui était là, c'était un ancien cheminot qui a été travaillé pour l'entreprise privée. D'accord, mais ce qui veut dire qu'à la fin, donc on est en train de créer justement, entre guillemets, la SNCF bientôt, elle ne formera plus en fait son personnel. Mais du coup, on a ce problème-là. Et en fait, moi, j'ai fait énormément de formations parce que la voie, c'est très complexe, justement par les effets de dilatation de rail, donc tout ce que ça engendre. Et bien sûr, la SNCF a toutes les... toutes les sortes d'attaches qui existent au monde. Donc, nous, tous les 100 mètres, les attaches, elles changent. Donc, on est obligé de tout savoir. Donc, nous, on a des formations qui sont très poussées. Mais par contre, justement, les entreprises privées n'ont pas les mêmes formations que nous. C'est-à-dire que... C'est limite de l'abattage. C'est-à-dire que c'est le minimum de la sécurité. Puis, encore une fois, on en revient à un truc. C'est que l'entreprise privée, oui, elle forme ses chefs d'équipe. Parce que ça coûte cher quand même de former. Et la SNCF, ça coûte cher, par contre... justement, en tant que service public et de service de sécurité, ne prend pas de passette. C'est-à-dire que tout le monde va en formation. Alors après, il y a des formations. Moi, je suis passé donc un grade au-dessus. Il y a des formations selon les grades. C'est-à-dire que moi, j'ai une formation un peu plus poussée que d'autres. Mais n'importe quel cheminot qui rentre à la base a une formation sur son cœur de métier complète. Et donc, ça coûte de l'argent parce qu'il faut mettre en place tout ce qui est tout pour les accueillir. Donc, une salle de classe, les moyens donc techniques. Il faut payer le professeur. Il y a énormément de choses à mettre en place. Donc, plus payer pour que tu partes en formation parce que les formations, ce qui est logique, ils ne vont pas faire un centre de formation pour prendre... quatre personnes, donc tout est... Moi, j'ai été énormément à Amiens, j'ai fait le Nord, j'ai fait Vichy, comme le camarade qui se déplace énormément. Oui, donc, et eux, l'entreprise privée, c'est pas le but, c'est de dire, bah, regardez, on a fait un minimum de formation, oui, lui, il est au courant, mais de prendre quand même des intérims qui vont travailler avec, mais l'intérim, lui, il est pas formé quand même. D'accord, donc lui, il est formé sur le tas, entre guillemets, donc autant dire qu'il est pas supra compétent, quoi. Ouais, bah après... compétents, moi je vais pas, après je vais pas dire que tous les intérims ne sont pas compétents. Ouais. Je prends un exemple concret, j'étais sur la ligne vers Verneuil-l'Étang, une petite gare de province, et il y avait un agent de la voie qui était là, comme tu le disais très, très justement, le technicien du rail et l'agent de la voie, c'est un métier très complexe. Hein, quand vous faites une formation à la SNCF, vous ressortez, vous avez le cerveau liquéfié. Vous pétez un câble. Donc, et le gars de l'entreprise privée, il était boulanger. Il bossait dans une boulangerie et il a été sous contrat intérim. Il l'a envoyé pour bosser sur les voies à faire son boulot, à remplacer des attaches, etc. Donc là, on en revient à cette aggravation de l'exploitation de la force de travail. Pourquoi ? Parce que le gars qui est intérimaire, bah non seulement il est flexible, en plus il coûte pas cher, et en plus il se la ramène pas. Et il ferme sa gueule. Il la ferme, il fait pas grève. L'employé parfait. D'accord. On me dit, faudrait-il arrêter le financement par l'État et éviter la politisation des syndicats, qu'ils soient plus crédibles aux yeux du personnel et des citoyens ? Une question. Faudrait-il arrêter Le financement par l'État, parce qu'on sait que alors actuellement, c'est plus tout à fait l'État, c'est l'Union européenne, c'est la fameuse Confédération européenne des syndicats. Oui. C'est ce qu'il y a, de toute façon, c'est ce qu'il y a avec les journaux aussi. Oui. Le problème, alors là, je vais faire une aparté un peu différente de la SNCF, mais moi, j'avais mis ça dans une réaction, une autre émission. Mais justement, je pense qu'il y a un moment aussi où il faut peut-être plutôt refranciser justement les syndicats et les rendre interdépendants. Alors après, je sais pas. Mais je pense qu'à un moment, il faut prendre le taureau par les cornes et payer soi-même nos besoins. Et je pense qu'à un moment, les syndicats, par exemple en France, les gens ne veulent pas les payer. Mais après, ils disent qu'il nous faut peut-être des syndicats qui ne soient pas payés par l'Union européenne. Et on en revient après avec ce qu'il y a avec les journaux. Les journaux sont payés aussi par l'État. C'est-à-dire que Le Monde, Libé, tout ça, ils sont financés par l'État pour survivre. Ouais. Et je pense qu'à un moment, des médias comme toi qui sont libres et ouverts, je veux dire, si les gens... ne finance pas des médias comme les tiens, je pense qu'il y a un moment, il va falloir faire quelque chose parce qu'on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir de liberté, mais ne pas vouloir en mettre dans nos poches. Alors que nous, on prend notre argent de force, en plus, par les impôts, pour payer des émissions. Et je pense que des gars comme toi ou d'autres, on doit les rémunérer, on doit faire en sorte de pouvoir prendre justement les syndicats. Je pense qu'ils ne doivent pas avoir de financement d'État pour être libres et pouvoir... être libre, mais après le problème de ça, c'est qu'il faut accepter de devoir payer. C'est que les gens, aujourd'hui, dans la société actuelle du tout gratuit, les gens ne veulent pas forcément payer. C'est-à-dire que toi, ils sont contents de te regarder sur Internet. Ils vont pas vouloir te payer, tu vois. Mais après, par contre, ça les énerve quand ils vont voir des émissions financières je vois ce que tu veux dire. Xavier Noël, je sais Xavier ça. Lille, Xavier Niel, ouais. Donc, tu vois, ils vont râler. Et ce truc du tout gratuit, il y a un moment, ça c'est limite et c'est logique que c'est les gens qui ont de l'argent qui financent les choses qui leur arrangent. Et à un moment, pourquoi peut-être le problème des syndicats, tu disais qu'ils sont un peu sur la même ligne politique, peut-être parce qu'ils sont financés par des gens qui ont de l'argent et qui leur disent, on vous finance, mais vous ne faites pas trop chier, quoi. Sauf que nous, après, en amont, il y a un moment où... Ouais, parce que moi, je me suis toujours demandé pourquoi... les syndicats, par exemple, là, dans le cas de la SNCF, où on est face, justement, à cette privatisation, ils n'adopteraient pas un axe qui soit, justement, entre guillemets, le patriotisme économique. Et c'est le meilleur moyen de dire aux gens, voyez, ça, c'est notre intérêt en tant que Français qui dépasse justement les clivages politiques traditionnels et que, en disant, mais non, mais là, c'est plus de la politique, c'est plus une question si vous avez voté Hamon ou Macron ou qui vous voulez, on s'en fout. Le principe, c'est de garder cette souveraineté pour tous, quoi. Ouais, y a deux choses dans ce que tu dis, je crois, pour revenir à la petite question importante, là, ouais. Pour éviter la politisation des syndicats, peut-être qu'il faudrait revenir sur cette réalité que il faudrait faire plus de syndicalisme dans le syndicat. C'est-à-dire que souvent, je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais les collègues, souvent, pas tous, hein, ce n'est pas la majorité, mais souvent, ils se syndiquent pour être protégés, pour avoir une protection. Ce n'est pas une adhésion sur des bases de classe. Ils ne disent pas « je vais rentrer dans un syndicat parce que j'ai des convictions et je vais développer un petit peu cette perspective syndicale, etc. etc. » Donc, effectivement, faire plus de syndicalisme dans le syndicat. Et moi, j'ai envie de dire, si pour éviter la politisation des syndicats, il faudrait aussi que les politiciens arrêtent de se syndiquer aussi. Hein. Des syndicats. Parce qu'eux, ils sont des politiciens, c'est les premiers à faire du syndicalisme, en fait, hein, mais dans le sens contraire. Ils sont vraiment légitimes, justement, les syndicats, aux yeux des cheminots, quand même pour... Oui. Moi, je prends mon cas, bah, parce qu'il parlait de certains, c'est vrai, de certains cheminots. Moi, j'ai un très bon délégué syndical qui travaille très bien, nous. Il bosse plus que bien, quoi. Donc après, il en fait peut-être des fois trop, mais des fois, c'est un peu le garde-fou aussi. Donc après, c'est vrai qu'il y en a certains qui reprochent, ouais, mais là, il a été trop loin, ouais, mais au moins, c'est le garde-fou, et lui, il est là, je veux dire, lui, il en demande peut-être trop, mais au moins, on en a un minimum. Donc après, oui, mais après, c'est vrai qu'il y en a qui vont pour avoir des jours de congé en plus. Et le problème, c'est vrai que ça a tué aussi le syndicat. Ça, c'est la première chose qui a tué le syndicat, c'est les gens qui vont par profit. Alors que ça, après, ça, il y en a, mais... Bah, souvent, ça... dans les entreprises, les délégués du personnel, justement, ils ont cette image de privilégié, justement. Alors là, pour le coup, certains, puisqu'ils ont un statut de salarié protégé, on a l'impression qu'ils... Mais pour te répondre là-dessus, je pense que ça a été aussi l'image des patrons de dire, ah, regardez, comme ils font avec les cheminots au niveau des Français, mais de dire, ah, regardez, comme c'est le délégué du syndicat, il est privilégié. Moi, je ne suis pas délégué, personnellement. Donc, en plus, je veux dire, j'ai aucun intérêt à dire. Moi, je vois les délégués quand ils bossent. Je veux dire, ils font quand même du boulot, quoi. Je veux dire, les gars, ils sont pas là. Après, il y en a, hein, je dis pas, mais je veux dire, faut arrêter, quoi. C'est la légende du syndicaliste qui se roule les pouces et qui. Je crois que c'est important parce que moi, je suis délégué du personnel. J'ai un mandat en tant que DP. C'est le deuxième mandat que je fais. Et faut pas croire, hein, je veux dire, c'est prise de tête des fois, hein, parce que déjà vous avez plusieurs trucs à gérer par rapport aux collègues, parce que bon, bah vous êtes là pour ça, et de plus, vous avez toutes les réunions à vous taper. Je veux dire, il faut vous taper la DRH, vous tapez les directeurs d'établissement, vous faites des réunions qui durent 9 heures dans une salle, c'est-à-dire c'est prise de tête, et puis vous avez des comptes à rendre, hein, parce que mine de rien, quand tu es délégué du personnel. Et que tu as tout le temps le DET devant toi, bah, si tu as des comptes à rendre, tu les rends directement au directeur DET, c'est quoi, directeur d'exploitation directeur d'établissement. Je traduis. Le patron. D'ailleurs, vous avez accès directement au patron, c'est-à-dire que vous avez des comptes à rendre, et puis il faut rendre des comptes aux collègues. Donc des fois, vous êtes pris le cul entre deux chaises, il faut essayer de gérer le truc. Et en plus, des fois, tu as la direction syndicale, réformiste opportuniste, qui fait des trucs, il faut l'expliquer aux collègues, et tu as le cul entre deux chaises parce que tu n'es pas forcément d'accord. D'ailleurs, c'est pas de tout repos quand même. Et puis il faut savoir surtout pour lui le gros danger. C'est que tant qu'il a son... Parce que nous, c'est des élections tous les 3 ans. Donc lui, tant qu'il a ses mandats, là, c'est son deuxième. Mais une fois qu'il perd son mandat, qu'il s'est pris la tête avec le chef, on va dire par exemple, il en a marre, il ne veut plus faire de réunion, il ne se présente plus. Ben, quand il perd son siège, il n'a plus de protection. C'est-à-dire que ça redevient un simple adhérent, comme je suis moi. Et lui, par contre, des fois, il peut se mettre en porte-à-faux. Et quand il va arrêter, bah, l'autre il va dire bah, maintenant. Ah, il va se venger, ouais, d'accord, ça peut arriver. Oui. D'où les, certaines mises au placard de certains. Ou... Ouais, par exemple. Ouais, d'accord. Ah, bah, ça, oui, il faut quand même le savoir. Alors, on me dit un tiers des agressions en France ont lieu dans les transports, sans parler des incivilités à répétition et des harcèlements sexuels que subissent les femmes. Seriez-vous d'accord pour mettre en place une taxe de sûreté afin de stopper ces agressions? C'est-à-dire que. Alors, un tiers, je ne savais pas. Elle est vraie, cette statistique? Un tiers, je ne sais pas moi du tout, non plus. Je ne la connais pas. Donc, bah, et voilà, bon, à vérifier, forcément. Mais bon, un tiers des agressions donc, ont lieu dans les transports. C'est vrai qu'on a, alors en revanche, on a remarqué une recrudescence des agressions dans les transports. C'est vrai. Ouais. C'est, on se sent moins, moi en j'en sûreté. Témoigne, on se sent alors, moins en sûreté. Ouais, voilà. Alors après, alors, expliquez-nous, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, leur solution, en fait, ils étaient en train de, d'évoluer là-dessus avec la fameuse SUGE. Donc, ce qui est, c'est quoi qui la SUGE ? Alors, la SUGE, c'est le service de sécurité SNCF. C'était, eux, ils étaient mandatés, ils avaient le droit à une... Alors, c'est quoi ? C'est ce qu'on voit, Police Ferroviaire, là ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Police Ferroviaire, c'est eux, c'est exactement eux. C'est ceux qui ont les... Tu sais, les gilets pare-balles, oui, avec oui, les oui, trucs, oui, oui, c'est d'accord. Écrit SUGE dessus. Oui, bon, oui. Je sais même pas, honnêtement, je pourrais même pas te dire ce que ça veut dire. Général. Ouais, c'est ouais, voilà. Donc, et eux, ils sont responsables de la sécurité. C'est des employés SNCF, mais alors, qui ont le même statut que la police. D'accord, c'est ça. La vidéo que t'as mis. Qui, voilà. Ceux qui arrêtent la. Qui arrêtent la fille qui est en fraude, voilà. En infraction. Eux sont mandatés comme des policiers. Faut le savoir. D'accord. Et eux, en fait, le personnel est en train de monter, mais vu qu'il y a tous les justement, cette privatisation, ils ne savent pas où ils vont. Ils n'embauchent plus pour l'instant et ils sont en train justement d'arrêter les embauches et même de freiner là-dessus. Ah, ils vont les privatiser, ça sent le, ça sent le coup dans pas longtemps de dire ouais, c'est Securitas qui rachète. Ouais, voilà. Mais le problème, c'est qu'en France, Securitas n'aura jamais d'habilitation comme la SUGE a, parce que comme la SUGE, donc c'est SNCF, et comme la SNCF peut avoir des accréditations qu'ont la police, parce que eux, justement. C'est une entreprise nationale. D'accord, ils ont un statut. Alors, il faut savoir une chose, y a parce que même si c'est privatisé, Securitas, vous allez n'importe où, il faut pas arrêter, ils arrêtent personne, hein, Securitas. Ils sont là pour prévenir, ils appellent tout la police. C'est vrai, c'est vrai. Donc, alors qu'eux, ils embarquent les ah agents. Ah ouais, là-dessus, on les voit. Eux, ils embarquent. Bah, ils ont vraiment, ils agissent comme des policiers, clairement. Ils agissent, ils sont formés pour et ils ont la formation pour. Donc, faut savoir une chose, c'est que privatisation, s'il y a. On ne sait pas non plus qui assure la sécurité des usagers au niveau sécurité entre sachant que nous enfin moi je le vois à la région parisienne je veux dire il y a des coins RERD ah bah ça fait flipper moi je veux dire certains trains tu prends la ligne B tu vas vers le nord ah ouais ouais franchement ça fait un peu flipper quoi enfin, c'est pas sûr j'ai vu beaucoup d'agressions c'est quelque chose que je voyais dans les années 90 que je n'ai plus vu parce que justement il y a eu une politique claire SNCF RATP de remettre on va dire de la sécurité et pourtant là on a l'impression que ça revient maintenant l'insécurité revient à nouveau bah, elle et revient parce que justement pour répondre à sa question pourquoi ça a évolué et c'est victime d'un tiers c'est parce que déjà je pense qu'il faut moderniser par contre là-dessus tout ce qui est train avec des caméras sur tous les angles. Je pense que la sécurité, une fois, elle doit primer sur ce qui se passe. Et pour moi, il faut plus d'agents dans les trains. Et eux, c'est des agents. Le problème, c'est qu'ils sont... À chaque fois, ils sont obligés de voyager à plusieurs, ce oui, qui est logique. Ouais, parce logique. Que si ça dégénère... Oui, un ou deux agents, ça ne sert à rien. On le voit sur ta vidéo. Ouais. Je pense que s'ils sont un ou deux de moins... Je pense que fini, les autres qui passent au-dessus. Non, complètement, complètement, complètement, complètement. C'est vrai que c'est pas normal. C'est vrai que c'est pas normal quand un pays comme le nôtre, des femmes prennent le métro ou enfin le train et elles sont pas en sécurité, quoi. Je veux dire, maman, et tout ça parce qu'il y a eu des réductions des coûts, réductions des effectifs. Puis c'est les premiers à nous dire qu'il faut que c'est pas normal, à nous donner des leçons morales en plus, des leçons morales et que alors que c'est les premiers à réduire les effectifs, c'est les conséquences. Enfin, voilà quoi. Donc à un moment, il faut qu'on tape du poing sur la table au niveau gouvernement. Alors, on me dit, êtes-vous d'accord avec la démarche de Ruffin, que ce soit au Parlement ou sur le terrain ? Si oui, avez-vous envisagé un rapprochement pour vous faire entendre ? Alors, je ne sais pas ce que c'est la démarche de Ruffin, il a fait quoi par rapport à SNCF ? Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, François Ruffin, donc lui, apparemment, il serait de la France Insoumise. Oui, il est de la France Insoumise. Et oui. Apparemment, c'est un des gars qui vont souvent sur le terrain. Oui, c'est vrai, chemins, etc. C'est vrai. Bon, moi, je ne suis pas. Je suis pas copain de la France Insoumise. Je veux dire, je suis pas militant chez eux. Mais je crois qu'objectivement, mais c'est juste mon avis, objectivement, dans le cadre de la lutte syndicale, ces gars-là, effectivement, peuvent servir dans un certain sens. D'accord. Dans le sens justement de cette régénération du syndicalisme, dans le sens de cette reprise du syndicalisme en main de la classe ouvrière populaire. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que, moi c'est juste mon avis, il ne faut pas s'attendre à ce que Ruffin et la France Insoumise, on termine avec la réforme ferroviaire. Quoi, en fait, d'accord. Ouais. C'est qui les politiques aujourd'hui qui sont de votre côté, entre guillemets ? Ah bah, j'allais y venir. Alors. Ah voilà. On a les deux extrêmes. Hein. C'est-à-dire ? On a Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ah bah d'accord, ok. Voilà. Donc ouais. Comme ça. Bah c'est ceux qui ont encore alors finalement une fibre patriotique un peu alors parce les, que c'est les deux. C'est les deux... derniers qui font du populisme. Alors ouais. Après moi je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Après je trouve que Mélenchon, est-ce qu'il a fibre patriotique? Moi, j'en suis. Je sais, ouais, ça dépend de la définition. Mais bon, à France Insoumise, en tout cas, c'est ce qu'ils affirment. Donc ouais. Non, après, par contre, là-dessus, c'est lui, il veut garder un service national. Il veut garder un service public, en tout cas, on peut pas lui. Voilà, non, ça, c'est sûr. Lui, il est pour la. Il veut même renationaliser tout ce qui est poste et compagnie. D'accord. Alors, comme Marine Le Pen, finalement, ils sont d'accord sur beaucoup de choses. De toute façon, ça a été. Sur les services publics et tout, ils sont d'accord. Après, c'est eux qui défendent les services publics français, ça, c'est vrai. Mélenchon, sa position. Sa position à Mélenchon, elle me gêne, en fait. Je vous dis franchement, elle me gêne. Pourquoi ? Vas-y. Parce que, encore pareil, je m'excuse auprès de la dissidence, socialiste de balle. Je veux dire, c'est le premier à nous faire un baratin, je ne sais pas si vous l'avez entendu au Parlement, à nous parler de l'existence des classes sociales, effectivement qu'il y aurait une classe ouvrière, une classe bourgeoise, et qui croirait à un équilibre, un processus d'équilibre des classes. C'est-à-dire que le père Mélenchon, il est malin, parce que il vise toujours les conséquences du capital, il se dit républicain parce qu'il est pour l'équilibre des classes sociales. Donc ça consiste à dire quoi ? Ça veut dire qu'il est dans l'opposition parce qu'il faut être dans l'opposition face à Macron. Mais quand il faudra voter les trucs, est-ce qu'il va apporter 2-3 amendements ? C'est-à-dire ce qu'on appelle un jeu sémantique qui va lui permettre d'apporter une opposition. Mais il va dans le sens du capital, Mélenchon. Hein. Enfin, ça, c'est mon avis. Mais... D'accord. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec lui sur le côté Mélenchon. De toute façon, moi, j'apprécie pas forcément Mélenchon. Mais après, bon, le problème de Mélenchon, c'est que, pour le coup, ils osent pas faire une alliance avec Marine Le Pen. Oui. Et pourtant, ils vont dans le même sens. Alors, moi, il y a un moment, les batailles politiques, oui, c'est un peu gênant. Oui, bah oui. Et le problème, c'est que je pense que. Alors, le problème, c'est que je crois qu'ils ont. De toute façon, ils ont la majorité, même si tous les autres partis politiques s'alliaient. Ils ont la majorité de toute façon, donc ils peuvent faire passer ce qu'ils veulent. Oui, de toute façon, en marche, oui, on sait. Voilà, donc le problème, ça a été, je pense que les gens sont dégoûtés de la politique, mais qu'ils se sont trompés de combat en n'allant pas voter, quoi. Je pense qu'ils sont tirés une balle dans le pied eux-mêmes. Ceci dit, entre nous, avec des députés, soit dit en passant, des députés, je sais pas ce que vous en pensez, mais les députés de La République En Marche, c'est des gros blaireaux. Hein. Ils connaissent que dalle, la politique. Je sais pas si vous avez entendu le Black, là, dans sa déclaration au mois de décembre 2017. Le mec, en parlant des RMI, à l'époque où les RMI, ils étaient en train d'attendre leur prime de Noël, le mec, il parlait comme un guignol, pas deux mots cohérents. Deux mots politiques cohérents, ils savaient même pas que les RMistes, enfin ceux qui perçoivent le RSA, touchaient une prime de Noël. Et ils nous disent que c'est des gens issus de la société civile, mais la plupart c'est des patrons. Oui. C'est pas des ouvriers, c'est pas des paysans. Bah, ils sont des patrons. Beaucoup du tertiaire, j'ai l'impression, les gens d'En Marche. C'est-à-dire des gens du service privé, mais ils connaissent très peu. Il y a très peu de gens du service public, très peu de, justement, de entre guillemets, des gens de classe inférieure. C'est plutôt une espèce de tertiaire. Ouais. Marlène Schiappa est passée à l'émission de Zemmour, je crois, la semaine dernière. Ah bah je l'ai pas vue, ouais, d'accord. Et elle a dit qu'il y a une cheminote à En Marche, je veux dire une sur 350 députés. puis Guillaume Pépi, c'est un cheminot, mais je veux dire, il a... Ouais, ça faisait longtemps. C'est lui qui casse aussi la SNCF, c'est lui qui... Guillaume Pépi, c'est le PDG. Guillaume Pépi, ouais, c'est le directeur, le grand directeur depuis des années de SNCF. C'est lui qui a... Ça fait plus de 10 ans, hein, oui. Je crois, hein, c'est ça. Ouais, il a été là depuis. Ah, lui, il a. Ce qui est quand même un record de longévité, parce qu'en genre, déjà derrière le poste. Ouais, mais avant, faut savoir qu'il était. Bon, faut savoir un truc, c'est que lui, il a fait. Bon, déjà, un truc assez drôle. Il est major de l'ENA. Oui. Donc, il était avec toutes les politiques. Il y a de la voix, quoi. Ouais. Donc, il est major de l'ENA. Donc automatiquement, il était avec toutes les politiques, il était très copain avec Bertrand Delanoë. Et donc, c'est des intérêts qui restent internes. Les gars, ils ne sont pas là par hasard. Il y a eu la casse au fur et à mesure depuis que lui, il est là. On nous a mis un gauchiste, en fait, pour, ouais, voilà. Pour faire passer la pilule. On a dit, non, mais on va leur mettre avec de gauche, mais par contre, la pilule, elle va passer ouais, mais de gauche à l'ENA, ça veut dire quoi ? Je veux dire, François Hollande était de gauche. Ouais, bah oui, c'est pour ça. C'est lui qui nous a divisés en épique. En parlant de gauche, effectivement, on a affaire en ce moment à une espèce d'unité front de gauche version ressuscité, tu sais. Alors que si vous regardez ce qui s'est passé... depuis les premiers paquets ferroviaires et les directives européennes, etc. N'oublions pas que le gouvernement Jospin, il s'étend de 1997 à 2002. La plupart des gars qui sont à gauche, là, qui nous défendent, c'est les mêmes qui ont voté, qui ont participé à cette amorce de processus de destruction de la SNCF. Donc moi, c'est l'hypocrisie. Dont Mélenchon. Dont Mélenchon. Qui était au PS en plus à l'époque. D'accord. Donc, ouais, il y a une hypocrisie totale quand même sur ce sujet-là. parce qu'en fait, on laisse crever les services publics. Allez, je reprends vite fait, il n'y a plus beaucoup de questions. Si, on me dit pourquoi ne pas ouvrir les portillons ? Bah si, mais ils ont répondu tout à l'heure, vous arrivez en retard. Il faut savoir que Securitas, c'est une agence de surveillance qui n'a aucun pouvoir de décision sur une arrestation. Ouais, mais peut s'immiscer, oui. Bah c'est ce que vous disiez finalement, ouais, ça, que voilà, ils vont, on va mettre des privés, mais ils n'auront pas d'acte. Parce qu'en fait, en gros, demain, on pourrait très bien imaginer qu'ils prennent du Securitas, mais finalement, ils feront de la figuration, c'est ça. Ah bah ils oui, sont pas, parce que Securitas... C'est pas les vraies missions comme la police ferroviaire. Parce quoi. Que pour ça, il faut avoir une accréditation nationale. Pour ça, il faut être une entreprise d'État parce qu'on n'a pas le droit de faire de sécurité et d'agir sur des gens en étant des milices privées. C'est interdit en France. Oui, d'accord. Donc, les gardes du corps présidentiels, tout ça, c'est des, ils sont nationalisés. C'est des gendarmes voilà. Et tout. Oui, bien sûr. Bon. Ce qui est plutôt rassurant, normalement. Bon, bah, on arrive à la fin, messieurs. Alors, allez, un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent. Ça va durer longtemps, franchement. Vous allez y arriver. Allez, un mot de conclusion, chacun. Allez, un mot de conclusion. Moi, je pense que là, ça va durer. Là, il y a du monde qui suit. Et l'avantage, justement, de la grève perlée, comme oui, ils l'appellent, oui, oui. C'est que... Ça nous... Expliquons un peu, justement, deux secondes, parce qu'on l'a pas évoqué. C'est vrai. C'est d'ailleurs que c'est 2 jours par semaine, il y a une grève. C'est ça. Et puis, les autres jours, il n'y a pas grève. Mais bon, vous savez que ça va perturber le reste de la remise en route. Et en fait, une fois que le trafic redevient normal, bim, encore 2 jours de grève, etc. C'est comme ça. Sachant que ça perturbe. Donc, les 2 jours perturbent, le temps qu'ils remettent en place. Et sachant que pendant les jours de grève, les marchandises... ce qui est rentable. Du coup, là, on bloque les marchandises aussi des entreprises privées. Les marchandises ne roulent pas parce qu'ils donnent priorité aux voyageurs. D'accord. Donc après, le temps que tout se remette en place, les marchandises du privé ne sont même pas parties, qu'il faut faire passer les voyageurs, qu'on retourne en grève. Et ça nous permet de perdre moins d'argent, de perdurer dans le temps. Et justement pour mettre la pression, voilà. C'est-à-dire plutôt que faire un peu, parce que c'est pas la technique qui avait été adoptée en 95, c'était l'inverse, c'était la grande grève, on arrête tout. Voilà. Et... c'est ça. Parce que moi je me rappelle, c'était ça, fallait y aller à pied, il y avait plus de train, c'était voilà, ne cherche pas, il y avait pas de service vidéo ou je sais pas quoi, il y a plus de train, c'était terminé. Faut savoir que ceux qui font rouler les trains là actuellement, souvent c'est des cadres qui roulent pas les trains d'habitude. Ah bon ? C'est-à-dire que c'est des gars qui étaient conducteurs qui sont montés en poste, donc ils connaissent le boulot. Donc ils connaissent le métier. Non, ils connaissent le boulot, ouais, c'est leur cœur de métier. Je dis pas que c'est des gars. Ouais, non, mais c'est les cadres en fait qui roulent plus de train, mais qui sont habilités pour les rouler. Et on va les chercher pour. Et c'est eux qui vont, qui disent ouais, bah là faut faire rouler un train, donc ils y vont quoi. Extraordinaire. Ouais. D'accord. Okay. Voilà. Donc après oui, moi je pense que la grève elle va durer. Je pense que les gens peuvent lutter. Après je pense qu'il faudra pas continuer la grève si on va dire on a 90%, 95% de nos attentes qui sont comblées, je pense qu'il faudra arrêter. Mais vous croyez qu'il pourrait stopper vraiment son projet de, au sens de là, avec le transformant et ça, parce que c'est quand même à cœur du projet. C'est... Ouais, mais moi, alors, par contre, je vais aller jusqu'au bout, moi. Mais avec Macron, je suis sceptique. Parce que je trouve que lui, pour le coup, il lâche rien. À chaque fois, il tamponne dans les médias. Il n'a pas peur de l'attention. Oui. Voilà, de mettre de l'attention. Ouais. Et là, moi, je remarque une chose, c'est que depuis que c'est devenu un peu houleux et que là, ça devient un peu chaud, on n'entend plus parler de la SNCF. C'est ses ministres ou ses députés qui en parlent pour lui. Oui, oh, bah, il est malin. Oui. Ouais, donc, par contre, c'est l'expert de la communication. Il y a beaucoup de coups à prendre. Oui, il y a beaucoup de coups à prendre. Ouais. Donc après, là-dessus, je ne sais pas, je le trouve vachement déterminé quand même. D'accord. Et puis bon, vu qu'il n'y a personne pour le freiner à l'Assemblée, c'est bon, compliqué. D'accord. Et toi, Jimmy, alors en conclusion, pareil, tu penses aussi que ça va durer longtemps et que. Moi, je suis un peu différent au niveau de la réforme. Est-ce qu'elle va passer ou pas ? Moi, je crois que la réforme, il y a de fortes chances qu'elle passe. Parce qu'elle va passer, mais je crois que la lutte, elle se situe à un autre niveau. C'est-à-dire que. On a affaire à une direction syndicale qui va prendre des positions hein, avec une réforme qui va passer. Et je crois que d'une manière générale, ce qui est important pour le syndicaliste, c'est de développer les idées révolutionnaires. Alors, c'est ça le point fondamental. C'est-à-dire qu'il faut que il faut qu'on récupère l'outil syndical, qu'on développe les idées révolutionnaires, qu'on récupère l'outil syndical et qu'on le redonne aux salariés. À la base, l'outil syndical, il n'est pas fait pour une bureaucratie, il n'est pas fait pour des gouvernements, il est fait pour les salariés, pour qu'ils puissent se défendre. Mmh. Donc moi je vais dans ce sens-là. Ça va permettre à attiser d'une manière conséquente les idées révolutionnaires, c'est-à-dire que se cristallise une contradiction entre les idées réformistes et les idées révolutionnaires. Mmh. Et là, on va pouvoir, au niveau, de par une position de classe, la classe ouvrière et populaire va pouvoir travailler à récupérer son outil. Et ensuite, moi, je dirais, pour ceux qui nous regardent, tout simplement, qu'on parle des cheminots et de notre statut, je dirais même que ce n'est pas notre statut à nous. C'est-à-dire, c'est leur cheminot, en fait. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Les travailleurs français, en France, etc., c'est leur cheminot à eux. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a en France, ils se sont battus, il y a longtemps, il y a eu des luttes. Les acquis sociaux sont les produits de la lutte de classe qui avait atteint un certain degré. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire, ça m'énerve, ça, on va en mettre les pendules à l'heure aussi là-dessus, ce n'est pas la bourgeoisie nationale qui a donné des acquis sociaux parce qu'elle est gentille et qu'elle a des beaux yeux, parce qu'on a des beaux yeux et qu'on est gentil. Non, elle a donné des acquis sociaux parce qu'il y avait un danger révolutionnaire face à elle, parce qu'il y avait une classe ouvrière et populaire qui était non seulement conscientisée, qui était organisée, qui, je vous rappellerai ce qui s'était passé en URSS, qui était conscientisé, organisé, qui se rassemblait et qui était prêt à remettre le paquet s'il le fallait. Donc les acquis sociaux est le produit de la lutte des classes qui s'est produit en France. Donc si vous ne défendez pas vos cheminots, hein, vous les laissez prendre, récupérer tout ce qu'ils vous ont donné par la force. Donc après, ils vont prendre plus. Parce que de toute façon, on parle d'une oligarchie financière parasitaire qui pense qu'au fric. Donc de toute façon, ils prendront plus. Et avec la loi travail, ils vont faire passer tout un tas de réglementations dans vos entreprises. Là, il n'y aura plus de syndicats avec le CSE à la fin de 2018. Là. Donc vous n'aurez plus de représentants. Donc le patron, ils vont venir vous voir. Il va vous dire, moi, je suis le représentant de la dictature du capital. Tu feras ce que je te dis. Et je rappellerai aussi que c'est ces mêmes mecs qui sont en Côte d'Ivoire, en Mali. C'est les mêmes oligarchies financières qui en Centrafrique, qui en Syrie, qui en Palestine, qui contrôlent le sionisme. Et ce sont ces mêmes mecs qui vous parlent de privilégiés. Alors, je voulais le placer. Vous m'excusez de m'énerver. Tu vas te faire plein d'amis. Il n'y avait pas grand-chose de questions nouvelles. Qu'est-ce que tu avais vu quelque chose, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit, hop, l'avant-dernière. Les 36 jours de grève annoncés pourraient coûter entre 360 et 720 millions d'euros, sans compter les millions de pertes par jour avec les salariés qui ne peuvent se rendre au travail. Cette grève équivaudrait pour les Français à payer entre 5 et 11 euros. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est une question piège. Bon. Ouais. Ouais. Donc, je dis qu'à la fin, en fait, ça nous coûte de l'argent. À nous aussi. Ouais. Or, il est méchant, là. Non, après, c'est le but, c'est de créer une situation de putsch pour qu'ils craquent. Donc, pour éviter qu'ils perdent de l'argent, ça a eu de craquer avant nous. Donc, après... Quand PSA, Peugeot, Citroën, etc., ils ont fait grève, ça a fait perdre du fric aussi. Hein. Je crois que quand tu défends tes droits et que tu fais grève, on perd de l'argent. Mais oui, effectivement, c'est important parce que c'est souvent ce qui freine le développement de la lutte et de la grève, c'est justement l'aspect financier. C'est-à-dire qu'il y a une pression qui fait que c'est Freud qui en parlait, qui disait que les dominants dans la civilisation ont besoin de créer un esprit de culpabilité. C'est-à-dire pour garder leur domination, et garder une mainmise et manipuler les dominés, il faut qu'ils culpabilisent. Donc vous recevrez une pression qui consiste à vous dire que c'est de votre faute, où on a perdu du fric, etc., etc. C'est pas vrai, avec les chiffres de CAC 40, on a vu qu'on perd pas de fric finalement. Hein. Si on ponctionnait directement sur les profits capitalistes, on aurait du fric. Mais et je crois qu'effectivement c'est un frein. Je veux dire, souvent les grévistes, ils sont pris à la gorge, ils peuvent pas trop suivre. Ça, c'est une question importante, mais là, je veux dire, dans toutes les luttes, hein, que ce soit la petite entreprise ou la grosse... Ah, effectivement, on est à la SNCF, donc les chiffres sont plus conséquents. Mais vous perdez... Même le boulanger qui va faire grève, il va faire perdre du fric à sa petite boulangerie. Hein. Oui, parce relatif. Que vous avez quand même un pouvoir de nuisance plus important que le boulanger. Ouais. Parce que quand les trains s'arrêtent, de dire, bon, moi, ma boulangerie, je ferme, je vais plus loin, mais là, le train, c'est le train. Si la gare est fermée, quoi, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci d'être venu. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Pour le coup, vous n'avez pas de bouquin à vendre, quoi, comme d'hab. Non, parce qu'en général, c'est le moment où on fait la pub. J'en ai un, mais je ne l'ai pas ramené. D'accord. Alors, c'est deux choses. Vas-y. Moment pub, t'as le droit, c'est la fin. Allez. Voilà, j'en profite vite fait. Je suis auteur. Si ceux qui veulent s'informer un petit peu plus sur les analyses politiques, j'écris des articles sur des médias comme Alter Info. Agoravox ou Le Grand Soir, où j'ai écrit des analyses justement sur la SNCF, le rapport Spinetta, etc. J'en ai posté un dernier. Et j'ai écrit un livre aussi que j'ai oublié de ramener et qui s'appelle L'évangile de la philosophie et de la révolution. Donc je reviens sur l'aspect philosophique de la lutte. D'accord. Bah, au moins, on le trouve où ton livre? Parce que... Alors, vous pouvez le commander en ligne. Alors, soit avec le smartphone, vous pouvez le commander via Google Play. Alors, vous cliquez, vous tapez mon nom, mon prénom, vous le commandez direct. Vous pouvez le commander aussi en ligne avec la Fnac. D'accord. Un peu partout, Amazon. Bah, écoute, génial. Bon, bah, c'est passé. Je vois, comme ça, tout le monde est au courant. Merci à vous. Bon retour. Voilà. Est-ce que t'as encore de la route? Que les trains marchent et que le service public reste tel qu'il est. Voilà. Et on espère bien, en tout cas, que tout ça va trouver une bonne issue. La phrase de la fin, c'est ça? C'est ça. La phrase de la fin, c'est que de toute façon, que vous soyez à pied ou en voiture, hein, mon cher. Et forcément. Pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que vous êtes quelque part un peu la résistance. Ciao, ciao, ciao.